Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 26. Je procède à nos rappels traditionnels. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Alors cette semaine, il n'y a pas eu de numéro PDF, je m'en excuse, il était indisponible, je pense qu'on pourra le rattraper cette semaine, donc normalement ça sera disponible, donc les numéros PDF des articles parus durant la semaine sont disponibles normalement, sauf quand il y a un petit empêchement, comme ça a été le cas malheureusement. Vous ne nous en voudrez pas. Alors je vais, avant de présenter nos participants de cette semaine, citer les personnes qui ont fait un don. Je vais commencer avec ce courrier qui nous le dit. Voilà, je tiens à vous notifier de mon don en Bitcoin d'environ 35 euros qui m'a permis de m'initier aux monnaies participatives. J'écoute votre émission et je lis vos articles avec assiduité depuis plus d'un an maintenant. Et je souhaite vous remercier pour tout ce que vous faites. Il n'est pas exagéré de dire que la France, notamment la ville de Rennes, est un enfer multiculturel. J'y retourne à la rentrée pour finir mes études, puis je migrerai définitivement. Je n'ai toutefois pas encore décidé de la destination. Je vous fais des bisous depuis l'Espagne, à Valencia, où je profite de l'air marin et de l'absence quasi totale de nègres. Peut-être une destination pour nos démocrates. Deuxième don, alors merci à JB. C'était signé JB, merci à toi JB, merci de nous suivre aussi. Deuxième don, juste un petit message pour vous dire que je viens de vous envoyer l'équivalent de 100 euros Bitcoin. Alors, il y avait un décalage, il nous avait dit de 72 heures, alors ce sera vérifié. Cher auditeur, c'était Soroctone qui nous envoyait ce don et qui nous dit merci encore pour tout ce que vous faites. Mais c'est bien normal, c'est bien normal. Si j'en ai manqué, pardonnez-moi, n'hésitez pas, vraiment, si vous faites un don, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous faire citer, n'hésitez pas à le dire hein, pour qu'on vous remercie de vive voix, c'est toujours plus sympathique. Voilà. Maintenant, je vais procéder à la présentation de nos participants de cette semaine. Nous sommes en équipe plutôt réduite, mais enfin bon, c'est suffisant hein, quand même. Je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être présent cette semaine. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tout le monde. MacDav est aussi présent avec nous, il souffre sous cette chaleur terrible, mais il est quand même là. J'espère qu'il sera vaillant. Oui, sale temps pour ceux qui aiment le pâté, le sanglier et la bonne cervoise. J'imagine. Fulbert nous fait aussi le plaisir d'être avec nous cette semaine. Je ne crois pas que le temps lui soit plus agréable que ça non plus. Qu'en est-il, Fulbert ? Ah, bonjour à tous, bonjour Gandalf. Oui, effectivement, bah, le temps ici, c'est pas mieux. La seule chose, c'est qu'il y a un peu de nuages, mais il fait aussi chaud qu'ailleurs, j'imagine. Un temps de nègre, donc. Enfin, Derek est avec nous cette semaine, comme toutes les semaines, pour ainsi dire. Salut Derek. Toi aussi, tu souffres, je crois. Oui, l'éther nègre, là, est particulièrement jaloux. Il nous brûle de son climat absolument ignoble. Hein. Enfin, climat propice à la prolifération de nègres. Enfin, moi, vous le savez, je déteste cette période, c'est la pire période de l'année. Là, c'est particulièrement dégueulasse. Enfin, Alex est avec nous cette semaine. Il nous fait plaisir aussi de nous rejoindre. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, je pense que tu dois être très triste de voir l'équipe de France finalement éliminée de cette coupe féminine. Alors là, j'ai pas pu dormir. Oui. Je ne fais que sangloter, mon cœur peur. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, mes amis, je vous propose de commencer sans transition aucune par notre première rubrique. Qui m'a été suggéré en fait par un auditeur, et c'est du bon sens en fait, il nous proposait en fait une rubrique question, question des auditeurs. Alors on ne peut en prendre qu'une, et ce serait bien qu'elle soit vraiment originale comme question quoi, mais s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions, c'est peut-être l'occasion quoi, voilà, et en fonction de ce que ça peut... ce que ça peut amener comme discussion, bah, on sélectionnera quoi. Alors ça c'est la première, enfin c'est celle que j'ai reçue, donc je vous la livre. Hein. Bonjour à tous, les démocrates participatifs. Une simple question rapide. J'aurais voulu avoir l'opinion de l'équipe à propos du film American History X, que vous connaissez sûrement, pour une bonne partie d'entre vous, si ce n'est pas tous. Merci d'avance. Alors qui veut? C'est dommage, on aurait eu Captain America, ça aurait été intéressant qu'il soit là. Je pense qu'il y aurait des choses alors, à dire. Bon, quelqu'un veut-il... Oui, bah ouais. Écoute, je vais commencer. Je pense que nos collègues là, participant à l'émission doivent savoir de quel film il s'agit, et les auditeurs, ouais, pas mal doivent le savoir aussi. C'est un film avec Edward Norton, qui est, comment dire, donc un film américain, où Edward Norton joue un type devenu, enfin non, je sais pas s'il est devenu néo-nazi en prison, enfin... Il est devenu nazi à la mort de son père qui était un pompier tué par des nègres. Voilà. D'accord. L'histoire du film, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc oui, bon, il y a ça, donc ce type-là devient nazi... Il y a une histoire, enfin bon, le type va en tôle parce qu'il tue un nègre de manière assez brutale. Le nègre qui s'était introduit dans son domicile, illégalement. Oui. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, quand même. Bon. Bah, disons que bon, il y a quand même. C'est un film qui, pour moi, est orienté anti-blanc. Alors, on peut en faire des mèmes, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien. Dernièrement, vous avez sûrement vu le mème du Pépé avec Pépé the Frog avec la perruque arc-en-ciel qui reprend l'exécution du nègre dans American History X et qui a une espèce de klaxon en mode poète. Alors oui, moi ça si tu veux, je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire depuis quelques années quoi. Hein. Mais donc il faut exploiter au maximum hein, de ce qu'on peut exploiter de ce type de film et de propagande en général, mais le film ne reste pas moins de la propagande hein, puisque bon je vais pas dévoiler la fin, mais ça finit en mode mais j'avais tort, etc., et puis je propage la haine, mon Dieu, c'est horrible, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, c'est particulièrement larmoyant. Juif. Hein. Oui. Oui, très très juif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait le parallèle. Il y a beaucoup de scènes en noir et blanc. Et les scènes en noir et blanc, enfin, c'est assez typique. Liste de Schindler. Hein. De la liste de Schindler. Voilà. Alors, ça dépend en fait. Il y a deux niveaux de lecture. Moi, quand je l'ai vu, j'étais adolescent. C'est quand il est sorti. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en rigolait quoi. C'est ouais, on s'appelait Derek. On disait ouais fous tes dents sur le trottoir, enfin c'était marrant parce qu'on avait évidemment beaucoup de sympathie pour le personnage, pour les personnages qui sont joués par Norton et Furlong, qui est le petit frère qui se fait assassiner à la fin du film par un nègre dans les lycées de son high school hein, de son lycée, oui. Et quand tu vois le film très jeune, sans forcément avoir de culture politique, tu as beaucoup de sympathie pour ces nazis, mais tu n'arrives pas à saisir le côté excessivement propagandesque du film. Et avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, c'est un pamphlet anti-blanc, anti-armes à feu, très très anti-armes à feu, qui dépeint tous les nazis à l'exception de Derek, qui est vraiment un type qui est en fait brillant à la base. Tous sont dépeints comme des abrutis. Le personnage noir qui est mis en avant, qui est le proviseur du lycée, est une sorte de d'Uber nègre, enfin, le type que tu ne croises nulle part. Et la conclusion, c'est la haine est une saloperie, quoi. Je crois que c'est un peu ça, en fait, American History X. C'est Edward qui est imposé par le proviseur noir au frère d'Edward Norton, donc qui est joué par Edward Furlong, qui est le fameux Danny, hein. On lui dit, tu vas devoir faire un devoir sur ton frère, qui est en prison, hein, qui est devenu nazi, parce que tu as fait un devoir sur Mein Kampf. Voilà. Donc c'est ça. C'est la propagande juive absolument insoutenable. Et derrière cela, parce qu'en fait, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans le film, Norton est devenu nazi parce que son père, pompier, s'est fait tuer par des nègres alors qu'il allait en fait éteindre un feu de bagnole dans leur trou de trou à merde, hein, dans leur shit hole country, comme dirait Trump. Et c'est pas ça réellement qui l'a rendu nazi selon Danny, hein, selon le type qui en fait doit faire une forme de psychanalyse. Hein, c'est tout ça sans la psychanalyse juive. Et la remise en question perpétuelle, la teshuva, comment en fait il faut faire de l'introspection très profonde, à la fois sur ce que l'on est, mais sur ce qu'on oui. représentait nos parents. Parce l'autocritique, que hein, compte... c'est très communiste ça. Hein. Ouais, enfin c'est très très juif surtout, hein, parce que l'autocritique ça concerne surtout les goyes. Hein. Oui, enfin bon. Tu sais que la frontière entre les deux, ces deux termes est assez floue, hein, Magdalena. Oui, la psychanalyse est une sorcière juive qui est destinée aux goyes, ça on est d'accord. Mais en fait, la conclusion, c'est la haine est une saloperie, première conclusion. Et bon, ça, à la limite, c'est très bateau, quoi, hein, c'est très gauchiste. Et la conclusion qui est beaucoup plus subtile, c'est les blancs n'ont pas le droit de se défendre, hein, surtout avec des armes à feu, parce que les armes à feu, c'est violent et c'est méchant. Et autre conclusion encore plus subtile, c'est méfiez-vous de votre père qui est au contact avec les populations du tiers-monde, qui essaie de les sauver, et qui, a un discours qui peut être réactionnaire. Parce que c'est en fait, quand Danny fait son devoir... Donc il y a une profonde phase d'introspection et il se demande quand tout cela a commencé en fait, quand la haine est venue s'instiller en lui. Et dit non, c'est pas quand mon frère a buté le sale nègre qui a essayé de voler sa bagnole. Non, c'était avant. En fait, son père, et finalement son père avant lui, avait déjà un discours raciste. Voilà, c'est ça le message du film. Le message du film, c'est... voilà, il faut vraiment remettre en question ce que votre père blanc a pu vous dire. C'est de la pure propagande, mais malgré tout, quand c'est sorti, la plupart des gens n'ont peut-être pas saisi ce message, et on a pu en faire un petit peu l'inverse du mème, c'est-à-dire des blagues dans les cours d'école, parce que le mème, c'est quoi finalement? C'est la version internet de la blague de cours d'école, quoi, de la private joke de cours d'école. Bon. À prendre avec des pincettes énormes, mais malgré tout à faire regarder, pourquoi pas, à quelqu'un qui est un petit jeune, quoi. Voilà, regardez ce film, prenez-en des pincettes. Il y a un autre film qui est encore beaucoup plus vicieux, j'ai oublié son nom. Alors c'est encore pire que cela, je crois que c'est carrément un juif. Danny Balin, c'est ça? Ouais, Danny Balin, encore pire. Mm. Et là, beaucoup plus violent au niveau propagande. Oui. Mm. Un autre dernièrement avec le type qui fait Harry Potter. Ah oui. Ouais. Alors là, par contre, c'est absolument les grosses ficelles juives là. Hein. Ouais, c'est très très. ouais, absolument ignoble. J'ai oublié le nom du c'est Imperium, je crois, non, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que nos auditeurs nous corrigeront. Ou un journaliste juif très très raffiné, subtil, un Américain qui est imprégné de culture européenne, qui boit du vin, qui est passionné par la littérature française, est amené à infiltrer. Oui, c'est ça. Est amené en fait à infiltrer les vilains nazis et tenants de l'alt-right américaine. Alors, comment dire, moi, je vais donner aussi mon avis. Déjà, ce type de film est un type de film qui vise à culpabiliser, en fait, les jeunes blancs, parce que c'est un film qui se veut quand même assez proche de la réalité, hein. Ça essaye de dépeindre, en fait, la réalité de l'Amérique multiraciale des années 90, des années 90, début des années 2000, à peu près. Et donc, il y a en permanence des tensions raciales, hein, en Amérique, et l'idée centrale d'Hollywood, qui est entre les mains des juifs, bien sûr, que ce soit les producteurs, les réalisateurs, c'est de faire culpabiliser en fait l'homme blanc lorsqu'il a un instinct de conservation, un instinct de défense face à une agression. Donc les juifs sont les grands maîtres de la culpabilisation des hommes blancs. Pour les affaiblir en fait et les dominer, bien sûr, pour prévenir toute réaction d'autodéfense qui pourrait leur être dommageable. Mais surtout, on ne voit jamais de film équivalent pour les noirs, pour les juifs ou d'autres races. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais récurrente des autres races parce qu'elles témoigneraient d'une hostilité de principe contre les blancs. Or, vous n'avez qu'à regarder le monde occidental aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord ou en Australie, comparez-les avec tous les autres continents de la planète, quelles sont les sociétés qui traitent sur un strict pied d'égalité des étrangers qui posent le pied dans ces pays et qui témoignent par ailleurs d'une agressivité, d'une hostilité, en dépit du fait qu'on leur déroule, pour ainsi dire, le tapis rouge. L'exemple typique, c'est la France. Je veux dire, en France, on donne la nationalité à des gens du tiers-monde, on leur donne accès à l'éducation gratuite, contrairement à tout ce que peut raconter la nomenclatura colorée qu'on entend dans les médias, type Rokhaya Diallo et autres. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien lotis. D'ailleurs, je vais vous donner juste rappeler une réalité qui vaut le coup d'être mentionnée, c'est que dans quel pays les Noirs ont le meilleur niveau de vie, si ce n'est en Amérique ou en France. C'est pas en Afrique, c'est pas en Amérique du Sud, c'est dans les pays blancs. Donc tout ça pour dire en fait que c'est une mystification et que le racisme de ces populations-là n'est jamais mis en accusation. Alors pour revenir au film, donc ça c'était le contexte, pour revenir au film, alors on pourra dire que la conclusion... La conclusion est un peu plus nuancée, je pense que c'était un petit tour de passe-passe du réalisateur pour éviter justement, parce que les réalisateurs n'aiment pas trop qu'on les accuse de manichéisme, parce que ça fait très anti-intellectuel, donc il a pris un petit tour de passe-passe dans le scénario pour s'en prémunir, mais il trompe pas grand monde. Alors je ne vais pas dire la fin, parce que sinon ça gâcherait un peu le plaisir de ceux qui ne l'ont pas vu, mais ça participe vraiment de ce que j'ai dit, quoi. C'est vraiment toujours la même chose, culpabiliser des blancs qui veulent se défendre. Pourquoi ? Parce que c'est quoi l'histoire du film ? L'histoire du film, c'est des blancs en fait, qui se communautarisent de fait. Au départ, ça commence avec une histoire assez révélatrice et finalement assez fondamentale, puisqu'il y a une compétition pour le terrain de basket. En fait, le terrain de basket, c'est un détail, c'est une confrontation pour l'espace vital, en gros. Et ça, les Blancs qui vivent dans des villes multiraciales savent très bien que c'est une réalité quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a constamment la question de l'espace. Les Blancs veulent de l'espace pour eux, et les races colorées passent leur temps à envahir leur espace vital pour les parasiter. C'est tout là, enfin, je veux dire, là, ce que je viens de dire, j'ai résumé la question de l'immigration ces 100 dernières années, quoi. Donc, c'est symbolique, cette histoire de terrain de basket, et en fait, les Blancs sont en minorité, et ils sont obligés de se réorganiser en groupe pour essayer d'avoir leur place à eux et pour pouvoir jouer sur le terrain de basket. Donc, ça commence comme ça. Et en fait, d'emblée, vous avez les nègres qui jouent entre eux, et en fait, ils sont juste présentés comme des nègres. C'est juste un groupe de nègres. Les blancs, eux, c'est des nazis. C'est pas juste des blancs entre eux, c'est pas juste un groupe de blancs, c'est des blancs qui sont nazis. Alors, moi, je suis très à l'aise avec le national-socialisme et les nationaux-socialistes, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'imaginaire collectif tel que façonné par Hollywood, ces nazis-là sont justement des nazis hollywoodiens. D'accord ? Donc, c'est pas un film qui est vraiment réaliste. Ça prétend être réaliste, mais il y a tout de suite un a priori extrêmement péjoratif contre les petits blancs qui essayent en fait de survivre en environnement multiracial hostile. Et tout le film va être comme ça. Ça va être constamment une dépréciation des blancs. Alors, Magda l'a dit, ou bien Derek l'a dit. Bon, typiquement, c'est des idiots, c'est des abrutis, ils sont stupides. Voilà. Sauf le héros principal. Mais tous les autres sont stupides, voilà. Ils sont idiots, voilà. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'idiots chez les blancs. Le héros qui finit par se rendre compte de l'horreur, de la haine. Hein. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, bon, déjà, en fait, c'est une sociologie quand même absurde. C'est comme si, en fait, le fait de vouloir, enfin, ce que ça implique, le message implicite de ce film, c'est de dire, voilà, si les gens, les blancs qui veulent défendre leur groupe racial, sont des gens stupides. Mais à aucun moment, ils n'osent faire présenter le même type de discours sur les groupes de nègres qu'on voit dans le film, en prétendant que les groupes de nègres qui se rassemblent entre nègres sont des gens stupides. Or, ils sont tous stupides. Mais bon, voilà. Donc, ça donne le ton. Et il y a aussi le côté manipulateur. Là, vous voyez, il y a un mec assez âgé, qui autour duquel gravitent un peu tous les jeunes, il les accueille chez eux, etc. Et donc, c'est un vieux national-socialiste, un vieux nazi, comme on dit dans le langage commun. Et en fait, il leur propose de la littérature, voilà. Et il est présenté comme quelqu'un d'assez machiavélique, quelqu'un qui est assez manipulateur, quelqu'un qui essaye de placer ces jeunes, qui essaye un petit peu de se regrouper, qui essaye en fait, enfin qui est présenté comme quelqu'un qui cherche à les utiliser et en profitant de leur naïveté. C'est-à-dire que si vous essayez de vous défendre en tant que groupe, soit vous êtes complètement stupide, soit en plus vous êtes stupide et manipulé. Ça peut pas être sincère, ça peut pas être une démarche normale, naturelle, de bon sens, guidée par l'instinct de survie. Non, c'est forcément un truc néfaste et anxiogène, parce qu'en fait, tout le film est conçu pour créer un sentiment d'angoisse. Voilà. Bon, après, il y a des scènes qui peuvent être marrantes. Au final, c'est quoi le message du truc ? C'est un jeune blanc qui est qui évolue dans une société multiraciale violente face à des nègres qui sont stupides et brutaux, qui sont par ailleurs armés, qui essayent de se défendre, qui essayent d'adopter une stratégie de défense et qui mène un groupe de blancs pour tenir son espace vital, sa rue. Et au final, il finit en tôle. Et en tôle, il redevient un bon goy. C'est-à-dire un blanc qui se laisse faire. Mais un blanc qui se laisse faire à la sauce m'a grandi, quoi. Voilà, parce qu'il a compris, machin, truc. Voilà. Et le film finit comme il finit. Bon, pour moi, c'est, comme l'a bien dit Magda, bon, c'est vraiment c'est empreint de psychanalyse juive, de culpabilisation, comme je le dis aussi. Toujours la même chose. Bon, moi, à titre personnel, bon, enfin, je veux dire, je vais pas dire qu'il faut pas voir ces films. Enfin, les gens peuvent le regarder s'ils veulent. Enfin, faut regarder ça avec énormément de distance critique. Ouais, voilà. Disons que c'est comme si Shlomo vous invite à boire un verre chez lui, mais sachez qu'il a mis de la morora dans votre whisky, quoi. Voilà, faut juste le savoir. Bon, après, si vous voulez le consommer, vous pouvez. Hein. Ouais, c'est un petit peu un aparté, mais tu as parlé de Mahatma Gandhi. Alors, évidemment, je pense que tu sais, mais Gandhi était en contact avec le Führer, avec Adolf. Oui. Qu'il admirait beaucoup. Et il avait créé même des divisions SS chez les Indiens. Donc, mais du coup, pour dire un petit peu comme avec Mandela, qui était un terroriste poseur de bombes de l'ANC, les médias aiment bien présenter ces gens-là comme des grands sages, au-dessus de toute violence, au-dessus de. Enfin, bon, c'est complètement ridicule, mais enfin, c'est vraiment un aparté. Hein. Ah, ce sont des grands sages, puisqu'ils ont tué des blancs. Donc, oui. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a constamment. Voilà, mais il faut aller au fond du truc. Toute la culture officielle dans le monde occidental depuis maintenant les années 60, date à laquelle le marxisme culturel a, a pris l'ascendant au plan institutionnel, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, dans la littérature, dans la musique, tout le prisme marxiste a pris le dessus. Donc les Blancs sont a priori coupables. Ils sont a priori coupables de tous les péchés. Donc, pour un même acte, il y aura, selon qui le commettra, et son appartenance raciale, il sera bon ou mauvais. Donc c'est une grille de lecture exclusivement raciste. Donc quand on parle de racisme anti-blanc, on pourrait penser que le racisme anti-blanc, c'est uniquement quand un bougnoul vous traite, je sais pas, de sale français ou de sale face de craie. Oui, ça c'en est une expression assez brutale, assez rustre. Mais le véritable racisme anti-blanc, c'est une véritable idéologie. C'est un système de pensée. Et c'est le prisme qui prévaut aujourd'hui dans le monde occidental et qui est très essentiellement d'origine juive. Faut pas se mentir. Donc quand Nelson Mandela tue des Blancs en Afrique du Sud, est foutu en tôle comme meneur terroriste, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais il a renoncé à la violence. » Oui, il a renoncé à la violence une fois qu'il était en tôle. De toute façon, il renonçait de fait à la violence puisqu'il était entre quatre murs. Il allait pas poser de bombe. Donc c'était une stratégie de subversion. Donc quand lui, il assassinait des Blancs, tout allait bien. Ça, c'était un héros de la liberté, hein. C'est un freedom fighter. Voilà, bon, évidemment, on effaçait le fait que c'était un agent du KGB. C'est assez commode. Et quand il y a un blanc qui se défend... Amateur de prostituée. Non, ça, c'est Martin Luther King, ça. Ah, merde, t'es sûr que... qu'il a... Ah, j'ai pas été voir dans la chambre de Nelson Mandela. Ah non, si, mais... T'es sûr que, via des Angolaises, il a pas été infiltré par les... J'essaie pas. T'es sûr? Bah, lui, c'était... Enfin, comment Nelson Mandela était un agent des Russes. De toute façon, l'ANC, c'était le parti communiste d'Afrique du Sud. Oui, bien sûr. Alors, quand un blanc essaye de se défendre, lui, au contraire, c'est forcément un salaud, une ordure, etc. Bon, il y a la mise en accusation permanente des blancs. Dans les films, ça transparaît systématiquement. Hein. Donc voilà, alors moi je pense... Moi, ce que je propose, je veux dire... Je m'interroge. Ouais. Non, mais si Nelson Mandela est traité comme ça par les médias, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, peut-être que Bretton Tarrant aura le droit à un autre traitement médiatique, moi je ne sais pas. Je m'interroge, je pose des questions, hein. Vous savez, la culture ça évolue. Je m'interroge, voilà, je m'interroge ouvertement, mais j'observe que... Moi je regarde là encore récemment dans la ville de Lorient, il y a un parc Nelson Mandela qui a été ouvert, bon... Je constate que voilà, les marxistes créent des endroits publics, des rues au nom de Nelson Mandela, et qui est quand même quelqu'un qui aimait tuer des blancs, voilà. Donc, bon. Ouais, et puis il s'appuie pour justifier ça, il s'appuie sur le fait que finalement il y a une célébration unanime au moment où il est mort, et puis même avant qu'il décède, puisqu'il avait des phases dans des cérémonies, bon, dans lesquelles il savait même plus qui il était, etc. Donc il y a eu tout un apitoiement sur sa personne, il était présenté comme un grand sage. Et puis donc, en fait, les marxistes dont tu viens de parler, qui inaugurent des parcs, des monuments à sa gloire, reprennent la grille de lecture médiatique. Alors que pendant très longtemps, les gauchistes, les marxistes, etc., disaient que les médias, c'était l'avant-garde du capitalisme, que c'est des gens qui racontaient n'importe quoi. Et là, ils sont tout à fait du côté de cette propagande. Oui. Derek voulait rajouter quelque chose, je crois. Ouais, non, par rapport au film, si tu veux, en lui-même, American ouais. History, ça s'inscrit dans une période hollywoodienne où tu as eu une vitesse supérieure qui a été mise au niveau de la propagande anti-blanche, ouais. Et particulièrement du péril blanc, du danger que représente le blanc au niveau de la violence, tu vois. T'avais un oui. film d'un certain James Mangold qui bien qu'essayant de se cacher en inversant Goldman, hein, c'est Goldman, c'est un film qui s'appelle Copland, c'est-à-dire c'est des flics dans la région dans la banlieue new-yorkaise qui essaient de faire un peu qui sont submergés de nègres, quoi, hein. Et qui essaie de faire un peu la loi, et bon, c'est un petit peu pareil, c'est tous des blancs, en gros, qui deviennent des espèces d'horribles types qui tuent tout le monde, des gens assoiffés de sang. Et c'était un gros film, c'est-à-dire que tu avais De Niro, Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, il y a eu quelque chose à cette période-là, c'était... un petit peu, c'était la fin du XXe siècle, là, c'était 97-98, tout ça, Et c'est à partir de là que la grosse machine à dire que les, enfin, à imprimer dans la tête des gens que les blancs sont des enculés intersidéraux, ça, c'est là que ça a commencé. Pierrot. Ouais, donc pour recentrer aussi sur le film, bon, je suis d'accord avec l'analyse précédente, à savoir que faut le regarder avec un œil quand même assez attentif au niveau de la propagande, parce qu'il y a quand même des scènes où ils y vont fort. C'est pas un mauvais film en soi, je pense que si vous le regardez maintenant, il a pas trop mal vieilli, c'est environ les années 2000. Vous avez Edward Norton qui a pris pas mal de muscles pour jouer le rôle du nazi bien costaud. Le bure nègre dont parlait Alexis, c'est MacDuff, pardon, c'est Samuel L. Jackson. Et ouais, il y a des acteurs plus ou moins connus. Franchement, c'est le film se regarde quand même. Mais malgré les grosses têtes. C'est pas Samuel Jackson, hein. Qui joue le rôle du nègre, c'est pas le Samuel Jackson? Il me semble que non. Non, non. Ok, bon, attends pour moi, c'est pas le cas. Je les confonds souvent. oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils ont essayé quand même de, avec leurs grosses ficelles, quand même de mettre leur petit message comme quoi faut faire des bisous ou être tolérant. Mais malgré tout ça, ils ont pas réussi vraiment à bien dynamiter le discours des nazis dans le film. Parce que quand Derek Vignard, donc le héros Edward Norton, fait un discours avant d'attaquer le supermarché où sont employés les clandestins, il fait un discours finalement très sensé où il se base pas du tout sur le pathos, c'est très centré sur le logos. Bah, si on accepte uniquement des clandestins, il y aura du dumping social et à la fin les blancs n'auront plus de boulot. Ça, le film ne répond pas à ça, parce que personne, il y a rien à dire, c'est une réalité. La réalité raciale n'y répond pas non plus, hein, effectivement. Bah, à force d'accepter des métèques, bah, au fur et à mesure, les États-Unis deviennent un pays de métèque. Oui, bah, c'est une réalité non plus. Le film n'a pas de réponse à apporter à ça, parce que ça aussi, bah ouais, il y a rien à dire. Et, en fait, ce qui est marrant, moi, c'est une scène qui m'a frappé. J'ai regardé ce film-là, j'étais ado, hein. Ça remonte un peu. C'est le moment où le héros décide de changer de paradigme. C'est quand il est en tôle et qu'en fait, bah, il subit plein de trucs en prison. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui veulent le regarder. Bon, forcément, la vie carcérale, c'est pas rigolote. Et t'as le Uber nègre qui vient le voir et qui lui dit, tu te trompes, en fait, de questions. Tu n'as pas réussi à avoir les bonnes réponses parce que tu te poses pas les bonnes questions. La bonne question, c'était pas, est-ce que ce que tu fais est juste ou est-ce que tu dois faire ce que t'es en train de faire, à savoir être national-socialiste. La vraie question que tu dois te poser, c'est, est-ce que ce que tu es en train de faire te rend plus heureux? Et c'est là, du coup, où Edward Norton décide de changer d'avis. Mais c'est facile, tu vois, c'est une grosse ficelle, effectivement. Être nazi dans le monde occidental de nos jours, oui, c'est extrêmement difficile. Il y a plein de sacrifices à faire. Et ça serait plus sympa d'être un bon goyim, mais t'aurais aucun sacrifice, aucune souffrance. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas te rebeller contre le système et sauver ta peau, quoi. Ouais, c'est un bon paradigme, ça, effectivement. Égoïsme ou bien s'engager pour le groupe, effectivement. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Propagande juive. Voilà, je veux dire, moi je pense qu'il faut toujours résumer les choses. Et oui, parfois les essentialiser à l'excès. Voilà, c'est. En fait, c'est de la psychanalyse de blanc. Voilà, c'est tout. Tout ce film est une. Ouais, c'est de la moraline à deux balles, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Psychanalyse juive. Bon, bah, on a fait une bonne mise en revue. Enfin, bon, ça vaut pas une. Grille de lecture détaillée, mais enfin bon, voilà, on a donné, en tout cas, on a répondu à la question qui nous était posée, et j'en remercie tout le monde. Alors, rubrique numéro 2, courrier des lecteurs. Voici le premier courrier, messieurs. Bonjour, chers amis démocrates. Je tiens d'abord à souligner le fait qu'avant de vous écouter, je vous prenais pour des fous, mais en vous écoutant bien, j'ai pu constater que vous aviez raison sur toute la ligne. Je me présente, je m'appelle Thomas, et je vais sur mes 18 ans. J'habite à Marseille depuis quelque temps maintenant, 2 ans. Je suis né à Paris et j'ai vécu dans le Nord. Petit point à part, c'était le frère qui avait écrit, d'accord. Mon frère, vous avez écrit lors de la saison 4, épisode 19. C'est d'une part aussi pour cela que je vous écris aujourd'hui. Ah, c'est intéressant, on a le frère, d'accord. Alors, je vais vous narrer mon histoire. Je suis un élève qui a beaucoup changé d'école suite au travail de mon père, et au fil de ces changements, j'ai pu constater le métissage à haute dose que je ne concevais pas. Ceci s'est aggravé en arrivant à Marseille, la population du tiers-monde bat des records. Malheureusement, suite à une dépression et à de mauvaises fréquentations, j'ai été au contact de ces énergumènes venant du tiers-monde. Pour commencer, tristement, j'ai côtoyé juifs, arabes, noirs, et suis même sorti avec une juive. L'une des pires choses de ma vie, précise-t-il. Des personnes qui font n'importe quoi, je vais vous citer quelques exemples. Un bougnoul sûrement camé qui organisait des sorties de fonce à la cocaïne et autres drogues dures dans les centres commerciaux. Une comorienne en manque de sexe, dirons-nous, qui m'a sollicité à plusieurs reprises pour que... Voilà. Mais le plus beau dans tout ça arrive maintenant. Une gitane, bouffeuse de hérissons, qui s'est invitée chez moi avec mon pote, un soir m'a fait dépenser plus d'une cinquantaine d'euros en bouffe pour elle seule, nous laissant presque crever de faim. Elle en a profité ce même soir pour demander à mon autre frère de 12 ans de l'argent pour s'acheter de la drogue. Ce que j'apprendrai bien longtemps après tout ça. Quelques jours plus tard, elle m'a littéralement mis un gros doigt lors d'une sortie où l'on devait manger au fast-food avec elle et son copain, lui aussi sous influence des nègres, avec 40 euros. Mais au lieu de ça, elle s'est dit qu'il n'aurait pas assez d'argent pour nous trois et m'a donc acheté... au commerce du coin, deux vieux sandwichs à 0,89 centimes et m'a fait payer la moitié. Vous croyez l'histoire terminée? Non. Nous sommes ensuite allés au fast-food en question pour prendre leur commande, sans politesse évidemment avec l'hôtesse. Une fois arrivé chez mon pote, le sketch commence. Alors nous mangeons, pour ma part, pas à ma faim, et là elle commence avec ses remarques du style « Tu devrais goûter avec ton père, c'est délicieux ». Avec cette réflexion où j'ai pris sur moi, je lui ai demandé si je pouvais en avoir un peu. Elle me répond « Non, j'ai trop faim, j'ai pas envie ». Bref, on brouille hein, avec des gitans. Suite à cette aventure, mais à d'autres, arrivés bien avant, dont il serait trop long, qui serait ici trop long d'expliquer, mais qui a quand même du sens, je me suis remis en question. C'est là que j'ai repensé à ce que vous disiez et que j'ai fait le tri dans ma tête et dans ma vie. Alors, ce que je vous raconte là peut vous paraître relevé du bougnoulisme mental, je le conçois, mais aujourd'hui, je me revendique comme vacciné contre toutes ces sourasses et constate le grand remplacement que mon frère essaie de démontrer. Je suis par ailleurs fermement décidé à oublier ce passage de ma vie. Pour conclure ce texte déjà bien long, si j'avais un souhait, j'aimerais qu'un nouvel Hitler prenne en main cette France perdue dans les abîmes du tiers-monde, mais malheureusement, nous en sommes encore loin. Je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir fait prendre conscience de tout cela. Je vous félicite pour ce que vous faites et j'espère que votre émission, que j'écoute avec passion, perdurera. Salut du Troisième Reich à vous, chers amis démocrates, Thomas. Alors, bon, c'est un jeune, il a 17 ans. C'est un petit peu bruyant, mais... Du gitan Adolf Hitler, c'est des trucs qui se passent, quoi. C'est, ben ouais, oui. À se rouler dans l'enfer racial. C'est pas que racial. Ben, ça fait un peu le lien avec American Historics, parce que c'est l'histoire de jeunes aussi dans American Historics. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu vis dans une société multiraciale et qu'on t'explique pas, on te donne pas le guide de survie en environnement racialement hostile. Tu crois que tu es en fait avec des semblables. Mais non. Voilà. C'est le cas. C'est les contes blancs qui pensent que tu évolues avec des semblables. Ce n'est pas le cas. Hein. Alors moi c'est un courrier que je trouve en fait assez émouvant. Moi je me rappelle bien du courrier du frère. Qui est arrivé à Marseille. Et... Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est son grand frère. Grand frère. Ouais. Grand frère, ouais. qui nous avait narré son arrivée à Marseille. Souvent à son établissement scolaire et il devait traverser la ville et c'était toujours un enchantement visuel et olfactif. C'est ça. Mais on a le petit frangin du coup qui vient. Intéressant, c'est-à-dire que t'as des juives autour de toi, t'as des maghrébines autour de toi, des comoriennes et en fait un jeune qui a pas trop de nerfs. Qui a pas les idées bien claires parce que par ailleurs il peut avoir des problèmes personnels avec ses parents ou que sais-je quoi. Il peut se retrouver comme ça à la colle avec une négresse ou un truc comme ça et ça peut très mal finir en fait. C'est-à-dire qu'il imaginez le pire quoi. Hein. Voilà, la négresse tombe enceinte, enfin la catastrophe quoi. Bah non, en environnement hostile, c'est... oui, enfin je veux dire. Notre camarade nous dit qu'il a eu. Qu'il a eu à être. Il a interagi. Mais c'est arrivé à des gens très bien. Je vais rappeler quand même, juste pour l'anecdote, que Goebbels aussi a eu une aventure avec une juive, sauf qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Mais non, mais alors, et attends, attends. Quand il a dit, quand elle lui a avoué qu'elle était juive, il a dit que soudainement le charme s'était rompu. Bah oui, je me doute. Mais non, mais fait, c'est, je sais pas ce qu'il y a sur Marseille, mais il doit y avoir quand même. Si, moi, je sais ce qu'il y a sur Marseille. Il y a quand même beaucoup de séfarades. Enfin, bon, ça tombe, si tu veux, aujourd'hui, si tu veux. Je regardais un petit peu mes anciennes connaissances de cette région-là, avec qui j'ai coupé les pommes, parce que c'est, bon, c'est quand même des tocards assez finis, fumeurs de pétards, etc. Et. Non, quelle n'a pas été ma surprise de constater que nombre d'entre eux étaient maqués avec des espèces de sarfatides, de trucs. Ah la vache. Ah putain. Ah j'ai fait une plongée dans les enfers aujourd'hui. Je crois moi c'était. Putain, ah non mais je te jure des gueules de qui non, je... désert tu vois de l'œil tu vois l'œil vitreux tu vois. L'espoir. Ouais. Ah putain la vache. Hein. Voilà où vous mettez la drogue cher ami. Ces gens-là qui sont mis des pétards au collège, voilà, ouais, là, c'est l'œil noir, c'est le ouais, le, noir, crapaud, ouais. Le crapaud mêlé, le crapaud mêlé, le crapaud sans mêlé. Oui, le crapaud croisé avec un grand duc qui te crève l'œil, tu vois, quand tu ramasses des pièces. Là, ceux qui ont vu le film là. Je crois que c'est la gloire de mon père où tu as oui. Le petit pagnol oui. Qui va dans la grotte à gros hibou, tu vois. Et tu as l'espèce. Bon, ils ont peur que le hibou vienne leur crever les yeux, tu vois, le grand-duc. Mais là, c'est pareil, tu as les juives qui viennent crever les yeux des jeunes blancs qui restent encore sur Marseille. Qui veut réagir à ce jeune homme? Oh, écoute, je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu en fait. Bah, faut avoir. Ouais. Pas... Oui, non, c'est pharaon. Oui, voilà. Il faut être né en fait dans un trou à chiottes raciales pour comprendre ce que c'est. Il faut y avoir vécu. Ah, ça, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, moi, je ne jette pas la pierre à un camarade blanc. Voilà quoi. Bah, du moment qu'il s'en est sorti, non, je jette pas la pierre. Oui, bon, voilà. Bon, faut savoir ce que c'est quoi. C'est vraiment. Voilà. Et... Moi, je fais la différence entre. Enfin. Entre quelqu'un qui a vécu dans un trou à chiottes racial, qui est né, et qui en fait a dû s'adapter, qui pour s'adapter, il a dû faire des concessions, entre guillemets, pour survivre. Et qui ne sont assez inenvisageables pour quelqu'un qui n'y est pas né, parce que en fait, il a juste dû survivre à un milieu. Et pour survivre à un milieu, bah voilà, t'es obligé de faire certaines choses. Et les grands puristes qui effectivement peuvent donner des leçons de morale en n'ayant jamais foutu les pieds dans ce qui est un trou à chiottes racial. Peuvent juste la fermer, voilà. Les choses sont radicalement différentes. Il faut y avoir vécu pour comprendre, c'est tout. C'est la seule chose que je voulais dire. Moi, je vais rajouter un truc. C'est alors pour le jeune qui nous écoute et éventuellement ceux qui sont dans la même situation que lui. C'est un point très important qu'on retrouve dans son courrier. Il ne faut pas traîner avec ses races. Il faut fuir le contact de ces gens. Il y a des moments où tu peux pas. On peut pas éviter le contact pour des raisons évidentes. Que ce soit dans un établissement scolaire, que ce soit en sortant dans la rue parce qu'on a une commission à faire, on a une course à faire, on a un courrier à aller poster, ou autre. Donc il y a malheureusement dans ce type de ville cosmopolite des interactions qui nous sont imposées. Ouais, il faut éviter de nouer des liens quoi, avec ces gens. Alors ça c'est central. C'est-à-dire que ça doit être une discipline personnelle. Ce jeune-là, et tous les jeunes en général, doivent se constituer, même si c'est difficile à faire, doivent se constituer un cercle de relations qui soit d'abord racialement homogène, et ensuite, si possible, de qualité. Et il vaut mieux la qualité que la quantité. C'est pas important d'avoir 15 amis, 20 amis, 20 connaissances, 25 connaissances. Ça sert à rien, ça. Ce qui est important d'avoir, c'est des amis... dans la longue durée, d'avoir des gens de confiance en qui on a une confiance totale, en tout cas une très réelle confiance. Et ça, c'est une discipline. Donc il faut savoir les rechercher, il faut les savoir les rechercher dans sa race. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, l'idée aussi c'est d'éviter d'être aspiré par cet évier à chiasse là. Pour le faire, en fait, il faut, là j'insisterai jamais assez, il faut faire des études avec application. C'est le moment le plus crucial. C'est chiant, c'est un fait, parce que l'école c'est chiant, moi ça me faisait chier, donc... Mais c'est crucial parce que finalement, c'est surtout quand on arrive quand on sort de l'adolescence et qu'on va rentrer dans les études de niveau supérieur, si on peut, ou professionnel, là, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet entre 18, 23, 24 ans. Parce que c'est là que le futur professionnel va être quand même amorcé. Et c'est ce qui va ensuite permettre eh bien, de pouvoir choisir avec plus de facilité l'endroit de sa résidence. Ça va aussi offrir des possibilités pour se trouver une compagne. Je sais que c'est pas facile, mais je veux dire, si on reste dans un trou à chiasse ethnique, malheureusement, c'est ce qui arrive. Vous êtes sollicité par des machins marrons. Et puis, il peut arriver n'importe quoi. Il peut se passer un drame familial, il peut se passer un drame personnel, il peut simplement se passer, on ne sait pas pourquoi, une dépression lourde, voilà, et vous faites une connerie. Ça, pour réduire les possibilités de ce genre de déboire-là, il faut s'en extraire. Et ça se passe pour moi à la sortie de l'adolescence, quand on est vraiment dans les études, quoi. Mais même un peu avant, hein, même pendant l'adolescence, quand on est à l'école. C'est chiant, parce que quand on est adolescent, on a envie de faire les 400 coups, on n'a pas du tout envie de penser à s'appliquer. Oui, et puis la question de l'intégration sociale est très importante quand tu as. Bien sûr. Quand t'es ado. Et tu es obligé de t'intégrer, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Ouais. Oui, là-dessus, je te rejoins. En fait, dites-vous bien une chose, quand vous êtes surtout des hommes, des hommes avec une paire de couilles, hein, vraiment des mecs, vous allez en chier de toute manière. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, vous allez en chier. Et d'autant plus si vous êtes né dans un trou à chiottes raciales et que vous n'êtes pas. Vos parents ne sont pas nés avant vous. Donc, effectivement, vous allez en chier plus que les autres, c'est comme ça. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de chialer, ce sont les règles du jeu. Soit on sort du jeu, soit on les accepte et on se bat. Et effectivement, je vous le dis, hein, vous y allez un petit peu y laisser des plumes, parce que c'est très difficile. Mais sortez-vous de ce trou à chiottes, et le sacrifice que vous devez faire pour sortir de ce trou à chiottes, effectivement, c'est pendant vos 17 à 22, 23 ans, vous allez être peu populaire. Avec les gonzesses, ça va être certainement relativement difficile. Mais c'est un sacrifice à faire. Et une fois que tout cela sera fait, eh bien, vous verrez, les choses vont changer et vous allez recevoir les fruits de votre labeur. C'est difficile. Ce sont des sacrifices à faire, mais il va falloir les faire quoi qu'il en soit. Ouais, c'est vraiment aussi ce que je pense. Donc pour ce jeune-là, il faut vraiment faire le tri dans ses connaissances, avoir, si possible, hein, je dis pas que c'est facile, mais il faut le faire et avoir des amis de sa race déjà pour créer un climat favorable et ensuite s'assurer que ces gens de sa propre race soient de qualité, parce que malheureusement il y a des blancs dégénérés, hein, c'est un fait, on va pas le nier. Donc voilà. Et puis surtout vraiment mettre le paquet pour réussir socialement, parce que en fait c'est une fois qu'on a fini ses études et qu'on a un boulot, c'est là qu'on peut vraiment commencer en fait à profiter un petit peu plus de la vie quand on a 26, 27 ans. Commencer à avoir des revenus, etc., que là, on peut commencer à faire des choix de vie, etc. Donc, je veux dire, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Il ne faut pas commencer à vouloir partir dans tous les sens à 17 ou 18 ans. Chaque chose vient en son temps, et entre 17 et 25, il faut se focaliser sur le début de sa vie, notamment professionnelle, qui va conditionner, en fait, le confort individuel et ensuite peut-être familial, sur les décennies qui viennent, quoi. Donc faut pas se rater au départ de la course, c'est ça que je veux dire, faut pas se rater au départ de la course, faut pas commencer la course par la fin, voilà, donc ça suppose de, Bah, il faut pas consommer de dope, hein, il faut pas consommer de drogue, vraiment, hein, même celle qui paraît la plus inoffensive, faut pas le faire, ça met dans un état d'esprit merdique. Voilà, ça abaisse la volonté, alors que la volonté c'est la seule chose qu'a un homme. Donc, faut pas le faire, et les sorties c'est toujours en petit comité avec des gens fiables, et dans des endroits là aussi les sorties, parce que les jeunes ont besoin de sortir, ça c'est normal. Mais toujours pareil, il faut pas aller. Les endroits publics où il y a vraiment un mélange racial, le risque augmente significativement. Bon, là, tout le monde connaît ça, je veux dire, dans l'émission et encore plus chez nos auditeurs. Tout le monde sait que, voilà, dans les villes, il y a tel ou tel bar, on sait que c'est des bars à problème. Pourquoi ? Bah, y a beaucoup plus d'Arabes, beaucoup plus de Manouches, beaucoup plus de. Voilà. Donc on sait que c'est plus dangereux. Bon, bah, ces endroits-là. Si vous, si vous savez qu'il y a un groupe qui a tendance à aller là-dedans, ne suivez pas ce groupe. Vous voyez, parce qu'il y a un phénomène d'entraînement du groupe. Et les mecs, mais si, tu vas voir, ça va être super, ça va être marrant. Et puis quand vous êtes sur le parking avec un coup de couteau dans la cuisse ou dans le bras, vous rigolez un peu moins. Voilà. Et quand ça arrive, tout d'un coup, vos super connaissances, machin, elles sont toutes rentrées chez elles, ou elles savent pas quoi faire, ou elles vous ont lâché avec trois Arabes. Etc. Voilà. Donc il faut quand même d'abord et avant tout se faire confiance à soi-même. Il faut se donner les moyens de ne pas tomber dans les pièges faciles. Ça veut dire d'être prudent, d'être à l'affût, de ne pas se jeter dans la gueule du loup dans des pièges stupides, et d'éviter les endroits à forte concentration de population non blanche. Ça, c'est le premier truc. Puis il y a autre chose également, c'est... Moi, s'il y a un conseil que je donnerais au moi d'il y a une quinzaine d'années, c'est d'éviter d'exister aux yeux des gonzesses. Hein. Voilà, éviter vraiment de vous faire remarquer comme étant quelqu'un de bien auprès des femmes. Bon, il faut en avoir rien à secouer. Voilà, travaillez sur vous-même, bossez, faites des études qui portent. Hein. Constituez-vous des compétences, un domaine, soyez quelqu'un, et quand vous aurez fait tout ça, vous verrez, automatiquement, ce ne sera pas vous qui ferez des efforts pour que les gonzesses vous remarquent, mais ce sera l'inverse, et ça se fera tout naturellement, et vous verrez la qualité des femmes qui seront, entre guillemets, à votre disposition, donc celle que vous pourrez choisir pour faire des enfants et devenir un bon arien, le pool qualitatif sera beaucoup plus élevé, bien bien plus élevé que si vous passez votre toute première jeunesse à essayer à tirer la gueuse en galérant comme des cons parce que votre objectif c'est juste de baiser de la poule. Non, non, non, ouais. Faites pas ça, travaillez sur vous-même, même si effectivement d'un point de vue social, c'est pas forcément très très reluisant. Mais moi, ce qu'on appelle, entre guillemets, le mal bêta qui fait des études d'ingénieur et qui galère avec les gonzesses pendant les premières années, c'est pas forcément un bêta. Hein. C'est juste quelqu'un qui va se rendre, utile à la société. Et effectivement, les choses se font plus, de façon plus tardive. Et c'est exactement comme la gestation, si vous voulez. La gestation chez les nègres est plus courte que chez les asiatiques. Chez les européens, elle est intermédiaire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour, on va dire, la gestation sociale, pour la maturation sociale. Chez les blancs et chez les individus de qualité, chez les individus raffinés, elle se fait beaucoup plus tardivement. On éclot beaucoup plus tard quand on est un individu de qualité, et on éclot beaucoup plus tôt quand on est un individu médiocre, à l'exception des êtres exceptionnels. Voilà, hein, tout le monde a en tête la phrase de Corneille, hein, du Cid, hein, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Bon, il faut prendre ça avec des pincettes. Oui. Effectivement, il y a des êtres exceptionnels, mais pour le haut du panier moyen, hein, on va dire pour ceux qui font partie du... entre le 75% et le 99%, les choses éclosent tardivement après le travail. et vous allez en chier, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, c'est tout. Alors messieurs, je vous propose de passer au second courrier. Merci en tout cas à Thomas de nous avoir écrit, j'espère qu'on aura pu répondre à son courrier. Alors, salut les démocrates. D'abord, un grand merci pour votre travail, l'esprit souffle. Cela fait un petit moment que je songe à vous écrire un courrier pour vous parler du secteur professionnel dans lequel je travaille, le BTP. Tout d'abord, un mot de la division raciale du travail sur un chantier gros œuvre, construction d'immeubles, d'équipements ou d'infrastructures importants. La hiérarchie s'établit comme suit. En haut, les conducteurs de travaux, des Français blancs, issus d'études supérieures techniques et scientifiques, école d'ingénieurs, qui suivent le chantier de A à Z et doivent être capables d'en appréhender tous les aspects. Ils subissent souvent beaucoup de stress en fonction du nombre de chantiers qu'ils sont amenés à suivre et doivent être solides psychologiquement pour faire face à toutes sortes d'imprévus. Malgré les quelques femelles qui commencent à venir ternir la belle homogénéité de ce corps de métier, c'est une population très valable, tant racialement qu'intellectuellement. Un bémol, cependant, qui vaut pour tous les ingénieurs et techniciens, pas seulement dans le secteur de la construction, ce sont de véritables bus dans les domaines historiques, politiques et littéraires. Certains ingénieurs ne savent pas aligner trois lignes de français après un bac plus 5, alors qu'ils sont extrêmement compétents techniquement. Ils n'ont souvent jamais lu un bouquin, roman, essai ou pamphlet, de leur vie, et pestent sur la petite taille des caractères lorsqu'on leur en propose. 1. Ce découplage science dure, science dite humaine, clé de la domination politique des classes moyennes françaises actuelles, rend la population des ingénieurs cadres techniciens particulièrement perméable à l'idéologie écolo-gauchiste. Un ingénieur de chez Bouygues, un père de famille sportif blond aux yeux bleus, a par exemple confié qu'il alternait entre le vote NPA et Europe Écologie Les Verts. Cette population valable est intégralement à rééduquer politiquement. Sous les conducs, les chefs de chantier, ce sont quasiment exclusivement des Portugais trapus et gueulards qui passent leur journée à hurler sur les manœuvres. Des types qui ont travaillé dur physiquement, connaissent parfaitement le terrain et ont fini par monter les échelons même s'ils parlent souvent très mal français, après parfois des dizaines d'années passées dans notre pays. Leur imperméabilité à toute idéologie antiraciste ou droit de l'homiste de dégénérer d'Europe du Nord en fait de véritables terreurs sur les chantiers parmi les ouvriers, mais parfois même chez les plus jeunes conducteurs travaux qui peinent à s'imposer face à certaines légendes. Ils sont un élément clé des gros chantiers de construction car c'est eux qui s'assurent concrètement du respect des délais et croyez-moi, leurs armes principales ne sont ni le dialogue ni la compréhension. Le concept de bien-être au travail leur est à peu près aussi familier que l'œuvre de Kant à un chimpanzé. Tout en bas, les ouvriers et les manœuvres sont, vous l'avez deviné, des bougnoules et des nègres pour ce qui concerne les nationaux. Le reste est composé de Polaques, Slovaques, Ukrainiens, Roumains, du fait du recours de plus en plus important du patronat de ce secteur au travail détaché. Le patronat des grosses entreprises du BTP est composé principalement de vieux blancs, sauf lorsqu'il y a eu reprise par les enfants et on a alors affaire à d'imbuvables fils et filles à papa, tout droit sortis d'école de commerce, pour jeunesse dorée. Quelques Turcs sont à la tête de PME importantes, mais ils ont en général très mauvaise réputation, travail de mauvaise qualité et liquidation judiciaire à répétition. Ils n'embauchent, eux, quasiment que des Turcs à tous les échelons. Le patronat du secteur de la construction, le patronat du secteur de la construction a pour lui d'être quasiment Judenfrei, donc c'est-à-dire libre de juifs, mais c'est à peu près sa seule qualité. Pour le reste, ce sont majoritairement de gros bourgeois rapaces et incultes, toujours à bouffer, picoler, traîner dans des boîtes à cul dès qu'ils le peuvent. Des exceptions existent évidemment, mais elles sont de plus en plus rares à mesure que la taille de l'entreprise est importante. Ce patronat est prêt à tout pour améliorer la marge et n'en s'en prive pas en matière de recrutement. Outre le recours au travail détaché évoqué plus haut, au travail illégal, à la sous-traitance en cascade, à l'auto-entrepreneuriat, autant de pratiques qui dégradent considérablement la qualité des constructions, notamment des ouvrages publics payés par vous, chers démocrates, il fait aujourd'hui l'apologie systématique du recrutement de migrants. Ces derniers sont défendus frénétiquement par nos moyens et grands patrons du BTP, telle la récitation d'un catéchisme. Les travailleurs migrants sont censés en vouloir, car ayant littéralement traversé la Méditerranée à la nage et fui la guerre, ils dépotent, contrairement à ces branleurs de Français qui n'ont pas faim et donc ne veulent plus rien foutre. Il faut les voir, ces marchands de tapis, car c'est ce qu'objectivement est devenu un patron du BTP aujourd'hui, affirmer main sur le cœur et la larme à l'œil que le secteur a toujours favorisé l'intégration des travailleurs immigrés. On les remercie du fond du cœur. Et si vous objectez quoi que ce soit à ce bel internationalisme, la réponse catégorique est systématiquement la même. On ferait tous la même chose à leur place. Là, pire que des gauchistes. L'assertion de gros branleurs de français est cependant pleinement justifiée en ce qui concerne le public dit d'insertion. Celui-ci fait l'objet d'une promotion sans relâche auprès des recruteurs par l'État et ses ramifications locales. Des clauses d'insertion sont insérées dans les marchés publics qui imposent aux entreprises répondant aux appels d'offres de recruter du jeune de quartier politique de la ville, des personnes en reconversion professionnelle, comprend des extolards et des handicapés. Mais ce public, bien de chez nous, qui constitue le stock des pôles emploi et autres missions locales, est tellement inapte au travail que le patronat rechigne à le recruter principalement pour des raisons de savoir-être, et certainement pas de préférence raciale. J'aurais mis l'anecdote à faire partager aux auditeurs à propos de ces clauses d'insertion débarquant sur des chantiers chez des particuliers. Cela fera peut-être l'objet d'un prochain courrier. Je l'espère. En attendant, je joins à celui-ci, il nous donne un document très parlant à ce sujet émanant d'un préfet dans un département que je vous serais reconnaissant de ne pas nommer, c'est le cas. En guise de conclusion, et pour ne pas finir sur une note trop sinistre, je tiens tout de même à préciser que le secteur du BTP est un secteur qui recrute et où un jeune blanc formé, compétent et travailleur pourra malgré tout faire son trou et créer son entreprise s'il le désire. À côté du bradage du savoir-faire dans les grands groupes et autres mastodontes du secteur, subsiste un marché du bel ouvrage notamment, dans certaines spécialités, ouvrage d'art, taille de pierre, rénovation, métiers à haute valeur technicienne. Les centres de formation sont malheureusement souvent des poubelles à cas sociaux multiethniques, mais en se renseignant bien et en choisissant une spécialité, il reste possible d'y faire son bonhomme de chemin. On privilégiera également le compagnonnage, le choix d'une entreprise où faire son stage et travailler est également important. Il faut en privilégier une qui favorise le travail bien fait, si possible auprès d'une clientèle qu'elle connaît et côtoie par ailleurs. Évitez donc les entreprises générales au sein des métropoles et optez pour celles familiales, artisanales, en zone rurale ou semi-rurale, où la transmission des métiers est encore en vigueur. Cela n'est pas une garantie, mais cela augmente les chances de bien tomber. Dans l'avenir, il me semble que les vrais Français devront impérativement revenir aux métiers actuellement délaissés et trustés par des étrangers, au profit d'une grande bourgeoisie traîtresse et vénale et au détriment de toute tradition de savoir-faire français. Vive la démocratie, vive la participation citoyenne. Et c'est Valdemar qui nous a écrit. J'ai beaucoup apprécié ce courrier. Alors je prends toutes vos réactions, réflexions. Valdemar aussi sera très curieux de savoir ce que vous avez à en dire. Il y a peut-être des gens parmi nos participants qui connaissent le domaine du BTP. On le connaît tous plus ou moins, directement ou indirectement, soit par des proches, soit de première main. Qu'est-ce que vous voulez en dire sur tout ce qu'il a dit ? Il y a beaucoup d'informations. Bon, mais écoute, moi j'agrée à 200%. C'est une très très bonne synthèse du milieu. Je pense que j'aurais pas pu mieux résumer. C'est exactement ce qu'il se passe. Il n'y a rien à en redire. C'est tout à fait vrai. Il y a une dichotomie raciale et territoriale aussi dans ce qui explique. Le comportement du patronat est très révélateur dans son... L'opportunisme patronal dans ce qu'il explique est très très très, très révélateur. À mettre en perspective avec l'attitude des Turcs qui appliquent une stricte politique de préférence ethnique. Préférence raciale, ethnique et qui nique l'État en faisant des... Enfin, nique l'État et leurs clients en faisant des faillites sur faillites, quoi. Ouais. Oui, c'est connu. Hein. C'est mais vraiment connu. Effectivement, je reconnais assez bien le tableau qui est dressé par notre auditeur. Après, j'aimerais bien revenir, si tu veux, sur l'avenir que peut porter ce secteur. Lui, il précise bien, hein. Il dit, voilà, il y a des grands domaines. Elle a dit, par exemple, travailler dans du BTP dans les grandes villes, il ne recommande pas du tout, il dit non, ça, laissez tomber, les grands groupes, étonnant. En fait, il dit, aller vers des entreprises plutôt familiales, artisanales, à haute valeur ajoutée, avec beaucoup de savoir-faire. Oui, non, mais c'est très bien, si tu veux. Bon, j'entends tout ça, mais si on a encore des constructions de nouveaux immeubles... ou autre, ouais. D'immeubles d'habitation, ou alors si on fait du bel ouvrage, etc. C'est que tu as derrière du boomer qui achète de l'appartement, ou alors qui veut se faire sa belle baraque. Dans 10 ans, le boomer, il sera crevé. Hein, ça fait partie des secteurs, selon moi, qui vont tirer la langue. Hein, je crois pas pour des raisons démographiques, cher ami. Nous allons avoir beaucoup de compatriotes africains logés. Ça sera pas du bel ouvrage. Ça sera pas du bel ouvrage. Il faut qu'il y ait des gens qui payent. Oui, voilà. C'est-à-dire que pour faire du bel ouvrage, il faut avoir du beau client. Non, mais attendez. Sur des niches comme ça, il y aura toujours de la demande. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. Le problème, c'est que, en fait, ça. Auparavant, tu vois, c'était pyramidal. Tu vois, tu avais effectivement une masse de bas de gamme avec du travail un peu de merde qui était fait par des portos. Et plus tu montais, tu vois, plus tu avais un travail qualitatif réservé à une clientèle de plus en plus restreinte. Puis au top du top, tu avais, on va dire, l'élite des compagnons qui te faisaient du très très bel ouvrage avec du matériau noble, avec des temps de travaux qui étaient très longs parce que tout ça prend du temps et ça coûtait très cher parce que c'est des gens qui avaient du pognon. Mais entre les deux, t'avais quand même de l'artisan de qualité qui te fournissait un travail de qualité, on va dire une classe moyenne supérieure qui prenait quand même le risque d'investir beaucoup dans ses travaux, dans cette pierre. Bon, maintenant, c'est tout l'un tout l'autre, quoi. Effectivement, tu auras toujours, surtout en France, on subventionne le patrimoine avec des impôts et enfin avec tout un tas de procédures de subvention, tu as effectivement un artisanat d'élite, mais ce qui manque, c'est entre les deux, tu vois, c'est l'artisan de qualité qui est capable de faire quelque chose et de le faire payer à quelqu'un qui a les moyens de se payer, mais qui n'est pas relié à l'État, tu vois, qui est un pur particulier qui veut se faire plaisir, je sais pas moi, en se faisant monter, tu vois, un escalier sur mesure, par exemple. Rien que ça, tu vois, un escalier sur mesure, c'est 20 000 balles, 25 000 balles. Ouais, une belle véranda, c'est un genre de truc. Quoi. Ouais, alors maintenant, tout ça, c'est... Bon, ça coûte soit de moins en moins cher, parce que, voilà, c'est des matériaux de merde qui s'est monté pour limiter, hein. Soit c'est vraiment du très haut de gamme, fait par des anciens compagnons du devoir avec des matériaux nobles. Et puis là, ça coûte vraiment une blinde. Et c'est devenu inaccessible pour le commun des mortels, y compris pour la classe moyenne blanche qui est un petit peu privilégiée parce qu'elle bosse. Tu veux dire qu'au niveau des compétences, il n'y a plus de moyen terme. Toi, tu dis, voilà, c'est soit un océan de merde à pas cher, soit du très haut de gamme, mais là, il faut avoir des moyens tels que, bon, c'est... Ouais, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour moi. C'est-à-dire que quand le BTP, ça ne sera plus que de construire des cages à nègres, il faut pas espérer faire trop de fric là-dedans, quoi. C'est vrai qu'il y a une... est-ce qu'il y a encore beaucoup de maçons français, de souche française? Une cage à français, excuse-moi. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu un grand emplacement, c'est intéressant sur le BTP. Il y a eu un grand remplacement du maçon en France. Ouais, t'as pas que les Portugais et les Polacs, hein. T'as quand même quelques Maghrébins aussi, hein. Ouais, mais je pense qu'il reste quand même des Français, mais ils doivent être minoritaires maintenant dans cette profession, je pense. Là, je parle uniquement des maçons. Des maçons, t'en as quand même quelques-uns. Ouais. Mais c'est pareil, en fait, les normes du bâtiment, elles ont beaucoup évolué. Mmh. C'est des gens qui doivent travailler de plus en plus rapidement. Alors, ouais. le matériel a évolué, ils sont capables de bosser de plus en plus vite. Le problème, c'est que quand tu bosses de plus en plus vite, avec des délais qui sont de plus en plus courts, forcément, à un moment donné, la qualité en prend un coup, tu vois, même avec des types qui sont compétents. Et à un moment donné, ça se voit. Et effectivement, il parlait de l'importance des chefs de chantier, enfin des chefs d'équipe. Bah, c'est la même que celle des sous-officiers à l'armée, en fait. Tu vois, c'est un petit peu la... Ouais, ouais, ouais. la colonne vertébrale du truc, en fait. C'est les nerfs de la machine, et sans les nerfs, tu peux rien faire. Et effectivement, ce que tu constates, c'est une forme un peu de dichotomie raciale. T'as les conducteurs de travaux qui peuvent être... Alors, dans les conducteurs de travaux, t'as beaucoup de gens qui sont très expérimentés et qui viennent du terrain aussi. Hein. C'est même les gens qui sont beaucoup recherchés. C'est les types un peu malins qui sont capables d'écrire un mail sans trop de fautes d'orthographe, mais qui ont un long passé de chef de chantier. Et ces types-là sont très très recherchés, sont très bien payés, et c'est eux qui font vivre les boîtes. Hein. Je veux dire, un bon conducteur de travaux ou un chargé d'affaires qui connaît bien son boulot, c'est le pilier de la boîte. Hein. C'est le pilier de n'importe quelle boîte de BTP en France. Et ces types-là se font débaucher, et c'est des types qui font... qui peuvent faire à l'aise 4-5 000 euros de salaire mensuel net, mais c'est des types qui ont de l'expérience, qui bossent, qui n'ont pas forcément des diplômes. Moi je dis, si vous avez des compétences, allez-y. Allez-y, hein, tentez le pas. Hein. Peut-être que vous allez vous faire lourder, parce que c'est pas un milieu qui est très bienveillant, le BTP. On en prend plein la gueule. Les gens sont quand même relativement durs. Quand vous faites une connerie, ils n'hésitent pas à vous le faire remarquer. En plus, c'est souvent un petit milieu, donc quand vous faites trop de conneries, va pas falloir compter rester dans le milieu, parce que ça va se savoir. Ou alors, vous faites comme tous les escrocs, vous allez être obligé de dégager de région, voire même de pays. Hein. Parce que faut pas rêver, les Turcs, ils ne font pas que, quand ils liquident une entreprise, ils ne font pas que changer de région, ils changent carrément de pays. Ils vont en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, ils marchent comme ça, les mecs. Donc, allez-y, tentez le pas. C'est un milieu où il y a du pognon à se faire. Et mieux vaut, je pense, un bon petit Français de souche qui a des compétences dans ce milieu, où il pourra se faire dégager un salaire correct, où il pourra... je pense trouver une femme, faire des enfants, établir un foyer, que perdre du temps dans les facs de sciences humaines où vous allez gagner deux fois moins votre vie, et puis enfin deux ou trois fois moins votre vie, et galérer pendant des années et des années. Alors il parlait aussi de la distinction entre les facs de sciences humaines et puis les facs, on va dire, purement scientifiques. Alors je pense que c'est très très très français. En France, on accorde énormément d'importance à tout ce qui est culture littéraire et, on va dire, culture générale. Bon, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Moi, j'ai bossé dans le BTP quand j'étais plus jeune. Notamment pendant mes études, et bon, ce que dit l'auditeur dans son courrier est tout à fait vrai. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'a fait réagir quand j'ai lu la dichotomie, en fait, entre les cadres qui sont très très pointus techniquement, mais qui sont incapables d'écrire français. Bon, ça dépend des gens, hein, mais en fait, et ça revient, en fait, je vais rebondir un peu sur ce que disait McDav, c'est-à-dire que il y a un auteur américain qui est très connu pour son travail de littérature en science-fiction, qui est un des pionniers, qui s'appelle Robert Heinlein. Et si Robert Heinlein n'était pas quelqu'un qui était de notre bord politique, qui n'avait pas du tout, d'ailleurs, la même vision que nous avons de la race, ce genre de choses, il a quand même dit quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que pour lui, la différence entre les hommes et les insectes, c'est que les insectes sont hyper spécialisés et que l'homme, en fait, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être touche à tout, et la capacité de l'homme, au contraire, vu nos grandes capacités cognitives et vu les systèmes qu'on a créés, c'est ça, en fait, c'est qu'on pourrait avoir des spécialisations, mais également avoir beaucoup de compétences annexes. Or, pour moi, la société dans laquelle on évolue de nos jours, elle tend à nous faire véritablement devenir des insectes, dans le sens où nous sommes hyper spécialisés dans un domaine et on passe totalement à côté d'autres domaines. Et c'est dramatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, gagner de l'argent, gagner correctement sa vie, fonder un foyer, c'est très important, bien entendu. Mais si on ne se préoccupe que de ça, ben on a finalement des individus qui sont tels que ceux décrits dans le code du lecteur, qui malgré leur capacité, leur bonne place d'un point de vue social, ne sont pas capables d'avoir de bons réflexes politiques, en fait, de bons réflexes pour la civilisation, en fait, sortis de leur individu. Donc, il est essentiel pour moi, si vous partez dans un boulot très tôt, de continuer à vous former sur tous les autres points de vue. C'est-à-dire que si vous êtes médecin, vous devriez aussi être capable de parler d'histoire, de parler, pas de politique comme au PMU du quartier, hein, mais de comprendre les choses en profondeur, de changer un cric, ce genre de choses. Alors oui, bien sûr, ça demande du temps. Et un autre problème de notre société, c'est qu'on passe énormément de temps à nous divertir lorsqu'on sort du travail, et finalement, ça, je pense que ça joue sur la qualité du matériel humain également. Alors donc, toi, tu veux dire en substance que il faut travailler sa polyvalence. C'est ça. Il faut savoir être très bon dans un domaine, mais également être polyvalent. Et ensuite, dans le cadre du BTP pur, il a raison, hein. Je sais qu'une des dernières fois où j'ai bossé en BTP, parce que Maglev disait que c'était un milieu de merde, c'est vrai, et même l'auditeur, c'est un milieu d'enculé, hein. Je me rappelle, j'avais bossé pour en intérim pour des artisans français qui ont vu la qualité des nègres qui étaient venus travailler avec eux, et m'ont vu moi, ils m'ont dit « Ouais, toi tu bosses bien et tout ». D'ailleurs, pour l'anecdote, je leur avais parlé de nos théories politiques et les mecs me disaient « Ah ouais, putain, c'est vrai et tout, c'est pas faux, toi t'es pas con, machin et tout ». Mais le problème, c'est que les mecs m'avaient proposé de bosser après non déclaré, parce qu'ils se font assassiner par le fisc, quoi, hein, par toutes les taxes qu'ils doivent payer. Et le problème, c'est que les mecs, ils voulaient que je fasse du super travail, ils voulaient me payer non déclaré, mais ils voulaient me payer 10 € de l'heure, quoi. Et c'est pas rare de voir en fait pas mal de grigous ou de gens qui s'en sortent pas, ou alors carrément sur le chantier en question dans lequel je travaillais, des aberrations. Par exemple, il y avait je sais pas si c'était des Turcs ou des Pakistanais, enfin c'était des races de boue qui leur boss les faisait travailler de jour comme de nuit à des tarifs franchement limite, c'est de l'esclavage. Et donc comme les mecs étaient payés en fait à la surface produite, ils travaillaient hyper vite et ils travaillaient hyper mal. Et ce qui fait que vous avez des clients bien français qui vont acheter des appartements neufs, 250 000, 300 000 euros, et qui, dans quelques années par la suite, seront complètement pétris, pourris de partout, quoi. Il y aura des problèmes partout. Quelqu'un d'autre ? Oui, les malfaçons, ça c'est une réalité du BTP. Des appartements, des immeubles construits dans les années 2000-2010 qui ont beaucoup beaucoup plus de malfaçons que des constructions des années 30. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient très bien dans les années 30, et notamment les maisons, mais sans doute aussi d'autres choses. Je remercie Valdemar en tout cas pour son aperçu. J'ai bien aimé l'analyse raciale et sociologique du milieu. Je relève l'attitude du patronat assez révélatrice. Très, très court-termiste. Comme quoi, il faut de toute façon une... Pour moi, hein, nationalisme, socialisme, ça va de pair, quoi. Hein. Si l'intérêt national n'est pas coercitif, l'opportunisme d'intérêt prend le pas. Hein. Ça, c'est inévitable. Donc là, faut veiller au grain. Ça me paraît tout à fait évident. J'observe aussi, mais ça, je le savais, hein, l'attitude de préférence communautaire qu'observent les Turcs qui sont présents dans le bâtiment. Ça, c'est pas une découverte, mais c'est intéressant. Alors, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Let's Le futur n'est pas écrit, l'avenir est entre tes mains. Ce système qui est figé, il ne t'apportera rien. Tu es bien destiné à rechercher la vérité par tous les moyens avancés. Renier leur autorité. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 26. J'enchaîne sans transition aucune avec notre rubrique suivante, guerre raciale. Ça faisait un petit moment. Alors, non pas que la guerre raciale, un épisode de guerre raciale en France, non, ça c'est tous les jours, mais qu'on en cite un, mais celui-là vaut particulièrement la peine. Alors, un commissariat de l'Eure, attaqué par des jeunes, au cri d'Allahu Akbar. Alors, c'est Le Figaro qui nous en parle, c'est une exclusivité du Figaro, pour une fois ils font un truc intéressant. Je vous le lis, hein. Une quinzaine de personnes ont lancé des projectiles, engins pyrotechniques et pavés sur ce commissariat au sud de Rouen, dans la nuit de jeudi à vendredi, insultant les fonctionnaires venus défendre les lieux. La scène est impressionnante, dans la nuit de jeudi à vendredi, le commissariat de Val de Reuil, Louvier, dans l'Eure, au sud de Rouen, a été pris d'assaut par une bande de jeunes. Aux alentours de 2h du matin, une quinzaine d'individus cagoulés ont attaqué l'établissement, lançant des projectiles en nombre, tirant également des mortiers, selon les rapports de police consultés par le Figaro. Sur les images de vidéosurveillance que nous avons pu consulter, on aperçoit deux agents de garde tenter de contenir les tirs des assaillants à l'aide de boucliers. En chemisette, les fonctionnaires ne semblent pas du tout préparés à un tel assaut. Des fumigènes, des éléments pyrotechniques de toutes les couleurs, ainsi que des pavés sont jetés sur les policiers. Les individus semblent déterminés à pénétrer dans le commissariat. Leurs attaques durent environ une demi-heure, à la fois contre les fonctionnaires et le bâtiment. Ceux-ci répliquent à l'aide de gaz lacrymogène avant que des policiers de la brigade anticriminalité BAC et de la direction départementale de la sécurité publique, la DDSP, n'arrive en renfort. Vers 2h30, le calme est finalement revenu. Si aucun agent n'a été blessé, quelques dégâts matériels ont été constatés. 3 vitres ont été touchées, 1 véhicule endommagé. Une enquête de flagrance a été ouverte. Les chefs de dégradation volontaire de biens d'utilité publique en réunion et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec armes par destination. Selon les premières investigations, les auteurs des faits sont des jeunes âgés de 15 à 20 ans. Lors de l'assaut, plusieurs d'entre eux ont crié « Allahu Akbar !» D'autres insultant les forces de l'ordre « Bande d'enculés de Français, venez, sortez, on va vous cramer !» On scandait les suspects, cagoulés mais pas gantés, qui se sont enfuis à l'arrivée des renforts. Sur les lieux, les restes de 115 projectiles ont été retrouvés. Mais je comprends pas, où sont les flashballs? Oui, voilà, c'est ce que j'ai. C'est la question que je me suis posée tout au long de la semaine. Bon, quand tu étais là, pas au bon endroit, dans la rue, à Paris, que tu n'aimais pas Macron, hein, que tu t'interrogeais sur ce qu'il faisait, notamment avec son anus, hein, Notamment. hein, et ses nègres, hein, les deux Et ce nègre, les étant deux étant liés. intimement liés, hein, n'est-ce pas? Eh bien, pouf, flashball dans ta gueule, hein, c'est assez automatique. Bon, même si tu pars, peu importe, on tire du flashball. Allez, hein. De préférence si Voilà. tu es blanc. Alors, oui. Pas de préférence, c'est exclusivement si tu es blanc en fait. Oui. Là, les jeunes qui créent la Wokbar, manifestement, ce ne sont pas Mais des, hein? ça j'aime bon encore non mais ça fait 30 ans qu'ils nous font le même numéro les Des journalistes. jeunes, c'est des jeunes. Moi j'aime Des bien jeunes, ouais, ouais les jeunes. des quoi, jeunes ils qui ont sont comme probablement une lui, c'est quoi quarantaine. leur âge? Oui, bah, là, bah, comme ils disent à la Wokbar, c'est 15-20 ans. Tu vois, c'est comme Faudé, le migrant, le mineur. Hein, il a 15 ans, hein, le mineur. Oui, Faudé a 15 ans. Bon, aucun blessé. Oh, miracle. Ces cons de flics n'ont pas C'est été peut-être parce que les foutus. autres sont des... Non, c'est peut-être parce que c'est bras cassés, en fait. Oui, non, bah, peut-être. Bon, ils doivent quand même avoir du matériel, ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe. Ces cons de flics ont eu la queue entre les jambes, hein, pendant une demi-heure avant que les types de la BAC n'arrivent. Bon, ils ont dû hurler un peu, hein, et puis tirer en l'air. Enfin, je crois même pas qu'ils aient tiré en l'air. Hein, ça doit même pas être Non, dans les. non, non, non, Ouais, non, non. bon, ils ont dû hurler, quoi. Ils ont dû arriver en surnombre, puis Oh! voilà. Oui? Oh! Partez! Ouais. Ouais. S'il vous plaît! Non, ouais, fait ça, ou alors ils ont été parlementés, fait, parce que les types de la BAC sont quand même comment dire, assez au fait des trafics de drogue. Donc peut-être y a-t-il eu un accord qui a été passé pour obtenir une certaine paix Non, je pense qu'ils ont détalé tout de sociale. suite, c'est tout. Hein. Dès qu'ils ont vu les bagnoles arriver comme ça, ils se sont dit, voilà, vas-y, on se casse maintenant. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, peut-être. Mais bon, enfin, en tout cas, Bon, voilà. en tout cas, moi Ces flics-là se sont fait bolosser la gueule. Oui. Bien comme il faut. Hein. Combien de Bah, y a projectiles pas de sans tir? blessés. Y a pas de blessés, en fait. C'est parce qu'ils ont réussi à tenir la porte, en Ben, y a réalité. pas, oui, y a pas, oui, y a pas de blessés parce qu'ils se sont terrés comme des rats, hein, dans leur enceinte. 115 projectiles, tout de même. Hein. Bande d'enculés français, oui. Allez, bande d'enculés de flics, vous n'avez pas bougé, hein. C'est bien. Faites chier les Quand tu regardes. Français pour aller là, ces connards là, pour aller foutre des prunes parce que tu roules à 5 km/h trop vite ou que tu ou que alors tu oui tu es en moto, tu as doublé alors que non, tu n'as pas le droit de doubler parce que machin. Hein. Là, tu payes, ça, ils vont te faire payer, ils vont se venger sur toi. Bande d'enculés, bien fait pour vos gueules. Quand Qui Gandalf a d'autre? lu la dépêche, déjà Gandalf, j'aimerais que tu nous précises s'il te plaît si c'est bien Le Figaro et pas Logographie, parce qu'on pourrait franchement se poser la question. Enfin, moi quand je vois ça, je me dis mais c'est un truc de science-fiction en fait. Ça m'a fait Pourquoi? penser au film de merde Banlieue 13. Tu vois, tu dis non mais c'est pas possible. Ouais. Les flics ils ont dû sortir et puis normalement c'est comme ça que ça va se passer. T'as une réplique parce que là c'est l'insurrection, tu vois, c'est la loi martiale. Mais non, c'est réel. Allah Akbar, tout ça. Non, mais là, on y est, hein. On y est. Bah Et ça va parce qu'en fait ils ont pas sorti de matériel lourd, hein. Je veux dire ils sont pas arrivés avec des Kalachnikov ou des RPG, etc. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Mais bon en fait ils viennent tester, ils viennent. Mais il y a probablement, il a dû se passer quelque chose dans le secteur. C'est-à-dire que probablement il y a eu, allez savoir, hein, mais peut-être qu'il y a eu une présence policière dans un quartier à propos d'un trafic de drogue, donc du coup ça gêne le trafic, du coup il y a une réaction parce que c'est souvent comme ça. C'est peut-être totalement autre chose. Je ne sais pas si on en saura plus, mais en tout cas, ils ont préparé leur coup, et la dimension islamique ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, je vois que Alexis voulait prendre la parole, mais là où le père Hamel il s'était fait décapiter, c'était pas dans le secteur, hein ? Bon, c'est peut-être pas tout à fait là, c'est peut-être pas tout à fait là, mais enfin, c'est en Normandie, quoi. La diversité. Il faudra retrouver la commune où était assassiné le père Hamel, mais alors sur Val-de-Reuil, le commissariat attaqué, c'est à Val-de-Reuil. On apprend que c'est la commune la plus récente en France, en 1981, l'an de gloire dans lequel François Mitterrand a été élu. Cette ville a été construite ex nihilo, c'est ce qu'on apprend sur Wikipédia. C'est pas seulement un groupement, enfin une agglomération qui change de nom, qui est redécoupée, c'est on construit des nouvelles maisons, parce que c'est pas très loin de Rouen, tout ça, donc je pense que c'est une nouvelle banlieue, complètement nouvelle, et on installe une nouvelle population, donc on envoie les biens, et c'est bon. Bah oui, moi, je me félicite de cette nouvelle commune. Alors probablement oui. S'agit-il de nègres pour le coup, parce que je sais que Madame Mitterrand, cette vieille pute qui est d'aujourd'hui bien entendu crevée, nous souhaitons qu'elle rôtisse d'ailleurs fortement en enfer, hein, comme il se doit. Avec son mari, il serait préférable. Oui, alors surtout elle, parce qu'elle, sa spécialité, c'était d'importer des villages entiers de Maliens du Mali. Et puis pour les foutre un petit peu partout, notamment en Île-de-France, en Essonne surtout. Alors je sais pas si elle a fait la même chose. Voilà, Vincennes aussi. Je sais pas si elle a fait la même chose là pour cette commune là qui est sortie du trou du cul du monde. Peut-être. Mais ouais, c'est. Et là, qu'est-ce qui te fait faire ce rapprochement? Qu'est-ce qui te fait faire ce rapprochement? 1981, tu vois, 1981, Mitterrand, je pense à cette vieille pute, quoi, de suite. Oui, il y avait le père de Brun aussi, des populations colorées. Alors, je t'arrête tout de suite, Gandalf, ça n'a rien à voir, il s'agit de Français. Ah, il s'agit de Français, des compatriotes de La Réunion. Ça n'a rien à voir, ce sont des nègres qui ont déjà une carte d'identité française, alors que les autres n'en ont pas encore. C'était dans quel département? J'ai complètement oublié. Ah, c'était La Réunion, des nègres de La Réunion. Oui, non, mais ils étaient implantés en France métropolitaine, dans quel département? C'était pas peut-être le Cantal, ou bien l'Auvergne, ou la Creuse, ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Oui, ça fait le petit fils de rabat. Vraiment la France rurale. Oui, petit fils de rabat. Oui, le gaulliste qui rejoignait qui rejoignait l'ancien péténiste Mitterrand, dont la femme importait des nègres aussi. Donc il y a une continuité française quand même. Alors je vais quand même pousser un petit peu plus loin, et ce qui va m'amener au 21e siècle, je pense que Ossam Messia se reconnaît dans cette politique. Importer des Français de La Réunion en Corrèze, excusez-moi, où est le problème? Ce sont des Français. Ce sont des Français qui circulent sur le territoire national où ils veulent. Voilà. Oui, importer des Français en France, je vois pas le problème. Importer des Français d'Égypte, je vois pas le problème non plus, excusez-moi. Moi non plus. Alors bon, j'ai découvert que c'était donc la commune la plus récente de France, créée en 1981. Année nuancée, puisque. C'est pas passé que des choses négatives cette année-là, quand même. Enfin, François Mitterrand a quand même été élu, bon, c'est... Voilà. Alors, j'ai vu que le syndicat je voulais simplement dire un truc, c'est que les syndicats de policiers ont gueulé, je crois, notamment le syndicat de policiers. Alors, moi, ça me fait marrer, les syndicats de policiers, parce que quand il s'agissait, encore une fois, d'exploser la tête des gilets jaunes... Même première fournée, quoi, hein, les vrais gilets jaunes, quoi, ceux qui venaient vraiment de... Enfin, les Gaulois, quoi. Il y avait tous les syndicats de police qui réclamaient la trique pour vraiment les faire rentrer chez eux. Et ça me fait marrer de voir que les immigrés islamistes font des descentes contre les commissariats. Ils sont en train de chouiner auprès de Castaner pour qu'il leur file un peu de matériel, un peu de renfort pour essayer de tenir cette populace ensauvagée en respect, ce qui bien sûr n'arrivera pas, quoi. Bon. Ils auront un peu de renfort quelques mois et puis voilà. Qui d'autre? Je voulais dire quand même, c'est dommage quand même de subir toute cette violence, parce que en fait il aurait suffi de leur donner des prénoms français et tout aurait été réglé. C'est con. Et voilà. Et voilà. Oui, il y a aussi quelqu'un qu'on n'a pas entendu sur le sujet, c'est Nicolas Bay, parce que lui, il est de cette région-là, hein, de Rouen, tout ça. Donc... Oui, Normandie, tout à fait. Ouais, Seine-Maritime, c'est ce qu'on voit. Donc. J'essaie de regarder un peu sur son Twitter, je vois pas de traces de ça. Je pense que c'est un garçon à qui l'uniforme Hugo Boss irait très bien. Il le porte très bien, je pense. Il y a un potentiel. Hein. Ouais, non, mais je veux dire au physique, quoi, c'est ça. Oui. Physique. C'est un chef d'entreprise aussi, hein. C'est quelqu'un qui. Ouais, bon, mais c'est le problème, c'est que c'est son petit voyage en Israël qui m'avait un petit peu. Voilà, il fait un peu, il est un petit peu ravi de la crèche, hein, même s'il n'est pas du sud. Hein. Ça, ouais. Ça fait un point commun avec Castaner. Oui, c'est je vais peut-être passer pour un connard. Ah. Mais vous me direz, j'ai l'habitude. Là, ce que je regrette, moi, là-dedans, en fait, et c'est que les gauchistes, en fait, les anarchistes, les antifas, les connards de casseurs qu'on a eu pendant la période gilet jaune, en fait, et les bougnoules islamisés en mode djihad, en fait, c'est des petites bites. Parce que les mecs, à part jouer à l'intifada en France, à balancer des cailloux et puis à tenter de mettre un peu la pression sur les flics, finalement, il se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas que j'ai envie de voir des flics morts, mais si au moins ces deux camps-là, les bougnoules réislamisés et les antifas dont on aimerait se débarrasser, au moins politiquement parlant, s'ils allaient vraiment jusqu'au bout de leur logique, et s'ils devenaient ultra-violents, bah, ça aurait au moins le mérite de polariser la société, quoi. Or là, c'est juste des petits échauffourées dont au final, personne n'entend parler ou personne n'en a rien à brère, et ça fait pas avancer le schmilblick. C'est toujours malheureux, quoi. On aurait véritablement des épisodes de guerre civile, je pense que les gens remettraient un petit peu les choses en question. Oui, mais ils n'ont aucune raison, si tu veux, d'avoir une guerre civile. Oui, c'est vrai. On peut quand même se réjouir qu'ils soient quand même. Que un certain nombre d'entre eux soient islamistes. Parce que s'ils ne l'étaient pas, pardon, quoi, on serait déjà tous nègres. Hein. C'est le cas. Oui, c'est vrai. Heureusement que certains ont la pudeur de se distinguer. Le bon goût. Le bon goût de se distinguer du reste de la population, tu vois. C'est vrai que ça fait de. Il y a des petits désagréments, hein, quand même. Hein. Le côté indigeste de l'islamiste ralentit le phénomène de cloaque multiethnique, effectivement. Si on n'avait que des nègres chrétiens, là, des espèces d'animistes qui hurlent Jésus. Avec des prénoms français. Des firmes du Congo, des firmes du Congo qui hurlent à Jésus, tu vois. Putain, la France. La France, quoi. Enfin, bon, je pense que oui, depuis 10 ans, on aurait eu un président nègre, un gouvernement, enfin, un roi nègre. oui. Un roi nègre, et la France serait déjà morte puisque les centrales nucléaires auraient commencé à péter un petit peu partout, quoi. Donc bon. Oui, on n'aime pas. Heureusement, ça devient de mes scénarios favoris, ça tu le sais. Hein. Oui, c'est mon scénario favori, c'est mon échappatoire favori. Mais c'est vrai que si on n'avait pas cet ennemi-là, qui est un ennemi particulièrement dégueulasse, ouais, c'est-à-dire que les types, ils roulent sur des gamins, vois, bon, ils éclatent des gens à la Kalachnikov dans des salles de cons, quand tu bouffes du cochon, il te traite comme si tu bouffais de la merde, ils te font comprendre que tu vas pas pareil. Malgré ça, si tu veux, les gens votent pour en avoir plus, hein, ça leur plaît. Macron, tout ça, même Marine Le Pen, sait-on jamais, s'ils sont chrétiens, pourquoi pas. C'est quand même dingue. Heureusement qu'il y a ces mecs-là qui, de temps en temps, font des espèces de petits happenings devant les flics pour foutre la merde, parce que sinon... S'il n'y avait que la transhumance pacifique... des nègres du Congo, du Mali, du Sénégal pour venir repeupler la France, ça se passerait dans le plus grand calme. Hein. C'est-à-dire que notre meilleur allié contre les nègres, les métèques en tout genre, ce ne sont pas les blancs, c'est la chimpanzé extériorisée. Hein, le terme inventé par notre auditeur la semaine dernière, qui est excellent. Hein, Voilà, c'est gosse. La chimpanzerie, la chimpanzerie extériorisée à caractère islamique, disons. À caractère islamiste. Alors là, c'est ça, c'est encore mieux. Hein. On va en avoir du nègre islamisé par le Pakistan. Ça arrive. Ça arrive, les gars. Ça arrive, ça. Ça arrive. Ouais. C'est là, hein, nos amis de la péninsule. Breton, oui, non mais les gens doivent rigoler, mais pourquoi il en parle d'Eric? C'est parce que je lui faisais mention d'une anecdote qui m'est tombée entre les mains où j'expliquais en fait que les quartiers négrifiés de Bretagne étaient en train d'être islamisés par le tabligh du sous-continent indien. Je sais pas si ce qui va nous donner du Boko Haram, hein, Boko Haram d'ici 10 ans en Bretagne. C'est peut-être pas la seule, mais en tout cas une des seules voies de rédemption, dirais-je. Oui, qu'on peut voir pour réveiller même pas une majorité blanche, mais une minorité assez conséquente, parce que la majorité, je pense qu'en Bretagne, c'est mort, même en France. Hein. Mais bon, il faut réveiller des gens, et puis s'il n'y avait pas d'islamistes complètement débiles, alors du nègre comme ça, là c'est quand même... Moi ça me fait rêver, quoi, du nègre islamisé par des machins du Pakistan. c'est le Club Med, quoi. Boko Haram, on va bien rigoler. Attention, parce que t'es en train de donner raison à Alain de Benoît qui disait qu'il valait mieux construire des mosquées que des McDo, puisque c'est des centres de spiritualité. Ah oui, non, mais bon, oui. Bon, je parle pas de centres de spiritualité. Ne sois pas trop vexé, hein, c'était pas trop personnel. Non, disons que nous, c'est-à-dire que nous, on voit la nuit nègre se profiler à l'horizon. Et en fait, on s'interroge sur d'éventuelles modalités pour faire dérailler ce train que nous ont promis les Juifs. Donc, voilà. Si par un hasard de l'histoire, une ironie du sort, il se trouve que Kader, acheminé en France par les bons offices de Bernard-Henri Lévy, s'avère être un coupeur de tête furieux qui fasse tomber par terre dans le caniveau l'utopie multiculturelle. Je veux dire, après tout, ça a son charme. Je veux dire, en plus, enfin, moi, je veux dire tout sauf Haïti. Moi, je veux dire tout sauf Haïti. Oui, voilà, alors, exactement. J'explique un truc. Oui. Je n'ai pas envie de vivre. Au milieu des nègres, comment dirais-je, islamisés par le tabligh. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pour faire dérailler l'ambiance. Enfin, rater la fête, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire que pour enfin... gâcher la bar mitzvah, c'est ça que je veux dire. Oui, ouais. Gâcher la bar mitzvah pour casser le pacifisme. Millénariste ambiant, hein, parce que là c'est la paix, l'Union européenne, voilà, c'est fini, tout ouais. Ça, bisous, hein, bisous les nègres, hein, surtout, hein, et ben, il faut casser ça. Comment dirais-je, l'émolliante négrification. Oui. Ouais. Qui, comment dirais-je, bon là on s'est fait un peu plaisir, là, puis moi, allez, non mais moi Boko Haram à Brest, moi j'attends ça. Moi j'attends un petit peu partout. Hein. Il faut que ce soit un peu festif, parce que sinon là on va se faire chier. Si ça finisse comme Haïti, comme nous le promettent certains cadres du Rassemblement National, Jésus, je m'en suis pas remis de cette vidéo là. On l'a cité, je sais pas si elle est passée finalement en fond dans le dans si. Le ouais si. Elle est passée. Ah bah alors les auditeurs s'en rappellent, ils ont entendu. Voilà, bon bah le rythme, non, hein, je si vous voulez, il y a le rythme dans lequel vous allez crever, c'est ce rythme là quoi, c'est hein, le rythme sexuel des nègres qui hurlent Jésus. Ah voilà gala, ah Jésus, voilà gala, voilà Jésus. Ouais, donc c'est ça, non. Allahu Akbar, je te coupe la tête. Tu vois ça. Bon, ça déjà le blanc il comprend mieux. Il dit, ah peut-être que je vais. Tu vois, sur les 10 blancs qui vont entendre ça, peut-être que t'en as 3 ou 4 qui vont se dire bon, Ah oui, non, mais quand même, non, peut-être pas. Bon, certains vont accepter de manière tout à fait consentante. Hein. Ils sont là, notamment. Je tiens tout de même à vous rappeler que si Haïti en est là où ils en sont, hein, c'est que les Blancs se sont fait massacrer sur place. Donc finalement, Haïti, c'est le résultat de des Blancs qui perdent au combat, quoi, qui sont pas prêts. Donc nous ici, on rigole, on en a plein le dos et on aimerait bien que ça change, mais faudra aussi que de notre côté, on soit prêt à si un jour il y a quoi. Moi, je pense que Haïti, c'est quand la France devient vraiment la France, tu vois. Oh, oui. T'es taquin là. C'est quand la République accomplit, quand la République tient pleinement ses promesses, Haïti nous attend. Moi, je pense que c'est ce qu'avait dit Sartre. Attention, hein. Sartre avait dit ça. Hein. Il avait dit voilà, quand un Européen meurt, il y a à la fois un homme libéré et un bourreau qui meurt. Quoi, hein. Bon, cette pathologie anti-blanche qui vient du marxisme et qui est portée par la République des Loges. C'est très présent, donc voilà. Moi, je de toute façon, moi, je veux gâcher la fête multiraciale. Moi, c'est oui, c'est la seule chose à faire de toute manière. Mais sinon, c'est la nuit. Hein. Sinon, c'est la nuit définitive. Hein, donc, oui. Alors, mes amis, voilà, on a parlé donc de ce commissariat. J'avais envie de vous solliciter là sur un sujet qui me fait marrer. Là, c'est vraiment à bâton rompu parce que. Il y a des articles, mais c'est pas très parlant. C'est le Service National Universel, vous avez forcément vu ça. Je voulais juste avoir votre sentiment là-dessus. Il y a eu un reportage qui a été fait par Libération, on a vu des belles photos. À un moment, vous avez pas vu, là, ils ont leur petit polo, là, et ils font du djembé. Putain, là, j'étais... Oui. Eh oui, on parlait de nuit, on parlait d'Haïti. Bah alors oui, on parlait de terrorisme islamiste et de nègres au tablique, si tu veux. Et ça, le SNU, là, service mes couilles universel de... Ah, c'est universel, hein. Ça, c'est universel. Oui, oui, bah, ah oui, universel. Ouais. Ah bah j'ai regardé les photos, c'est universel. Et je crois que ce machin-là, en fait, c'est une mesure qui a été prise suite aux attentats islamistes, c'est bien ça? Oui, c'est une espèce de... Alors, c'est un petit peu l'équation que Jacques Attali pose un petit peu en ce moment, c'est comment faire du nationalisme sans les nationalistes. Oui, oui, c'est un problème. Je reformule, comment faire du nationalisme sans les Blancs? Oui, enfin, ou alors avec des Blancs, mais des Blancs assez particuliers, quoi. Oui, oui, bah... Bon, voilà, c'est... Enfin, c'est... Alors, j'explique oui, pour ceux qui connaissent. Oui. Nos auditeurs. Donc le service d'ersatz de restauration du service militaire, en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté, lors des élections présidentielles par Emmanuel Macron candidat, qui je pense voulait essayer de s'appuyer sur une certaine forme d'attente dans l'opinion publique française pour un peu plus de verticalité dans la société, essayer de transmettre un peu la notion de hiérarchie, aussi la notion de patriotisme. Et il s'est dit, ses conseillers en communication ont dit qu'il faudrait faire un petit truc là-dessus pour essayer aussi d'attirer un petit peu l'électorat conservateur, voire l'électorat réactionnaire. Il y a peut-être quelque chose à faire là, et ça peut aussi parler à une certaine gauche, gauche républicaine, un peu nostalgique de la Troisième République. Alors, il est arrivé avec son bidule, ça va coûter quand même assez cher, puisque ça doit... le budget est évalué à 1,5 milliard d'euros par an, en 2026, quand le dispositif entrera pleinement... sera totalement déployé, et nous n'en sommes en fait qu'à la phase préparatoire où ne sont convoqués que des volontaires. Tout ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites d'information, donc les photographies, les cérémonies, des gens qui, enfin, des jeunes de toutes les races qui chantent la Marseillaise, etc., ça, ce sont des volontaires. Ce sont des volontaires. Donc, c'est à terme. Normalement, tous les jeunes qui auront 20 ans, me semble-t-il, seront convoqués lors de ce service national universel, qui en fait n'a pas de caractère militaire, même si ce qu'on a essayé de faire croire, et ce que Macron a essayé de faire croire, c'est qu'il y avait un caractère militaire ou de préparation à la défense, comme on dit, de nos jours. Voilà. Alors du coup, vous avez pu voir ce que ça donne concrètement. J'ai bien aimé le papier de Libération parce qu'il y a des photos. Peut-être que vous l'avez lu, et je pense que vous avez pu voir aussi certaines légendes en bas de photos qui valent quand même leur pesant de cacahuètes. Donc voilà, donc j'ai fait l'introduction sur ce service national universel. Moi, j'ai voulu en parler parce que je me suis dit, cet artifice de communication de Macron coûte une fortune, ça sert à rien, si ce n'est peut-être à créer encore un peu plus de, comment dirais-je, d'abâtardissement racial en mettant des nègres à côté de jeunes blanches, sous détente. Bon. Mais ce sont des volontaires, donc imaginez-vous ça, hein. On va prendre des jeunes islamistes de banlieue qui lancent des assauts sur des commissariats et on va les foutre sous des tentes avec des blanches. Moi, j'attends ce truc avec impatience. Oui. Ouais. Alors, moi, j'attends ça avec impatience, surtout si tu veux, quand je regarde des séances de dédicaces, de vidéos, de bouquins de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait un bouquin pour. Ah oui, un nouveau livre, oui. J'aime la France. Ouais, alors tu regardes le public, alors bon, des vieilles putes, bien entendu, des espèces de fiottes. Et des petites nanas, qui viennent là, Bon. Moi, Nicolas, ouais. Ah ben ça, j'aimerais bien que ça se fasse maltraiter par du nègre, hein. Dire que tu aimerais voir les filles de la bourgeoisie être au contact des bamboulas et des maghrébins hirsutes ultra violents, le temps d'un service national universel, c'est ça que tu veux dire, pour un peu déniaiser tout le monde, quoi. Oui, du bolossage à grande échelle, c'est ça que tu veux, du bolossage à grande échelle. Bah oui, il faut du déniaisage. Je suis pas particulièrement sadique, mais ma foi, si ce bolossage peut servir, peut-être utile, écoute, pourquoi pas, hein. Bah de toute façon, pourquoi pas, déjà tu l'auras, déjà, enfin tu auras le service national universel, donc non, oui, j'y crois pas, hein. J'y crois pas une minute. Vu comment ça se passe là, où tu as les types qui disent, tu vois le public, hein, des espèces de beurrettes qui font un quintal et demi, des nègres, ouais. Tu vois, bon, les types, ils sont là, ils disent, putain, il y a 500 balles à tirer, viens, on y va, quoi. Et peut-être il y a des blanches aussi qu'on peut se taper. Et ça, si tu veux, c'est le métèque évolué qui pense comme ça. Quand tu vas avoir du Abdelkrim qui va être au contact de la blanche, quand il prend son scooter, ben il est en train de tuer la moitié de la planète. Le type va partir en fou rire. Hein. Donc là, en fou rire. Hein. Les espèces d'enseignants, les espèces de bons à rien payés avec nos impôts qui sont là pour réciter leur merde. Aux types qui sont des volontaires, ont du mal à tenir leur auditoire. Là, ça ne passera pas, c'est voué à l'échec, et les retours, je pense, déjà, sont faits dans la presse officielle. Croyez bien que derrière, il y aura... on va penser à sa progéniture, hein, à sa... Il faudrait pas quand même que les bobos se radicalisent de trop, hein, bon, qu'ils se barrent, etc., mais qu'ils soient trop confrontés à la réalité raciale, non, hein, pas trop. Mais c'est vraiment intéressant, parce que c'est une expérience d'ingénierie sociale en temps réel qui est programmée pour foirer, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des gens qui se rendent compte que ça va foirer, et que du coup ça ne se fera pas. Alors si par contre... Alors, ça a lieu, je veux souligner un point, le chef d'orchestre de cette tentative de melting pot racial s'appelle Gabriel Attal, et qui a deux casquettes, il est homosexuel et juif. Non, il a une troisième casquette, c'est qu'il est... Il est donc secrétaire d'État, hein, récemment, et la quatrième casquette, c'est que c'est un anus donc de l'ancien conseiller de Macron, Stéphane Séjourné. Voilà. Type qui évolue de par donc effectivement sa sale race, et qui glisse sur, oui, glisse sur, sur l'axe du pouvoir avec son anus. Perso, j'aime bien la... les grosses ficelles, encore une fois, de Macron, qui arrête pas de nous dire que la cohésion nationale, ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Et pour nous le prouver, bah, en fait, il va créer le CNU pour forcer la cohésion nationale. Ouais, donc tout ça est parfaitement logique. Bah, la cohésion nationale marche pas parce qu'en fait, il y a, bah, y a différentes races au même territoire et que ça part en violence, tout simplement. Moi, perso, j'ai envie de faire un pari par rapport à ce service civique-là. Bon, pour l'instant, il y a des volontaires. Mais lorsqu'il y aura uniquement des personnes qui seront obligées d'y aller... On enregistre l'émission, on est le 30 juin, là, 30 juin 2019, hein, vous pouvez noter. Moi, je fais des paris, dès qu'il y aura uniquement des gens qui seront obligés d'y aller, vous allez assister à un nombre exponentiel de viols interraciaux. Je suis prêt à parier 1000 balles là-dessus. Oh. Mais alors là, ça va aller dans tous les sens. Mauvaise langue. Il va y avoir deux laborettes. Non, il va y avoir deux laborettes. Qui est chaude du cul, le petit Mamadou qui sait pas tenir sa bite, la petite blanche salope, ou alors même celle qui veut pas, de toute façon elle aura pas le choix, elle se fera défoncer par des macaques. Alors ça, je suis prêt à mettre 1000 balles tout de suite. Hein. Alors, 30 juin 2019, je suis mon pari, on pourra en reparler. Hein. Ah, je vais même aller plus loin, Pierrot, si tu veux. Attends. Ah, qui voulait prendre la parole? J'irai plus loin que toi, Pierrot, c'est-à-dire si le... Si la chose devait se réaliser, ce qui encore une fois ne sera pas le cas, dès la première semaine, nous aurions des courriers des lecteurs, des courriers des lecteurs, donc d'auditeurs, qui nous détailleraient du viol. C'est absolument certain. Alors, enfin, du viol, voir des nanas qui se font bourriquer par trois nègres en même temps, et que, des pratiques occidentalistes en gros. Mais alors, dès la première semaine, hein, ça prendrait pas 15 jours. Ouais, bah, les paris sont lancés. Bah justement, pour poursuivre un petit peu dans ce que vous expliquez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'avais lu un formidable article assez long sur l'esclavage aux États-Unis. On dirait l'esclavage, ça n'a rien à voir avec le SNU. Bah si, parce que vous avez mis en évidence le fait que dans ce service national universel, c'est ça, hein. La présence de négros et de blanches qui vont être appelés ou qui seront volontaires, enfin voilà. Il faut savoir qu'avant la naissance même des États-Unis, il y avait bien sûr l'esclavage, et que cet esclavage était particulier. Je vais essayer de faire le plus court possible. Le statut d'un esclave, c'était 7 ans. Ça, il faut le savoir. C'était un statut de servante domestique. C'était valable pour les Noirs, mais aussi pour les Blancs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'esclaves blancs, ce que la presse, les médias ne racontent jamais. Ces esclaves blancs étaient généralement des gens qui étaient condamnés pour un délit de droit commun et qui n'avaient pas les moyens de payer l'amende qui leur était réclamée. Et donc, ils avaient une solution, ils évitaient la prison, en étant envoyé comme servant chez un propriétaire, un grand propriétaire qui disposait d'esclaves. Et donc, effectuait ce service de 7 ans plutôt que de la prison. Donc, on s'est retrouvé à une époque, il y avait les lois raciales aux États-Unis, dont les dernières ne sont tombées qu'au siècle passé, dans les années 60-70. Faut oublier ça. Et ces lois sur cette réglementation de l'esclavage était bien précise. Elle disait par exemple que il ne pouvait pas y avoir de mélange racial entre les blancs et les noirs. Or, s'il y avait des esclaves noirs, il y avait, je l'ai dit, des esclaves blancs et des esclaves blanches. Ces lois prévoyaient que s'il y avait un mélange racial entre, par exemple, un noir, un nègre et une blanche, le négrillon qui était pondu par la blanche pour remboursement du fait, remboursement pour le propriétaire, hein, d'avoir élevé, subvenu aux besoins de l'enfant, du négrillon, devait être servant jusqu'à l'âge de 30 ans inclus. Alors vous imaginez bien que dans une telle situation, des gens se sont arrangés, lorsqu'ils avaient des esclaves, les grands propriétaires terriens, pour mettre dans des baraques, comme l'a bien dit Gandalf tout à l'heure, des blanches, des jeunes blanches et des jeunes nègres. Et ils ont eu évidemment une chier, parce que la nature est ce qu'elle est, ils ont eu une chier de négrillons, c'est-à-dire de gens qui servaient jusqu'à l'âge de libérable de 31 ans. Eh bien, ça, ce que vous avez expliqué, ça m'a rappelé cet aspect de l'esclavage. Bah moi, j'ai envie de donner un peu mon sentiment sur ce service national universel, outre, j'allais dire, les aspects les plus cocasses, notamment à un moment donné, là, il y a une réunion développement durable avec un animateur gauchiste qui va parler... comment dire, de la confection de compost, etc. Bon, c'est assez ridicule, surtout quand vous regardez le public qui écoute ça. Et puisqu'on parle de développement durable, je pense qu'on n'intègre jamais dans le discours officiel à dessein, bien évidemment, le premier des développements durables, qui est le développement racial. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues qui sont assez écologistes, en pratique, c'est-à-dire que ce sont des experts qui travaillent dans ce domaine-là, et je leur fais souvent observer que ce qu'ils aiment beaucoup me donner moult détails sur les derniers dispositifs qu'ils installent, je vous passe les détails sur ce qu'ils font, qui est très au point, hein, pas de problème, et je leur dis, bon bah oui, la commune où t'as installé ça sera bien avancée quand, dans 30 ans, elle sera intégralement repeuplée de nègres, voilà, ils auront une excellente empreinte carbone, sauf que ils chieront dans la rue et ça sera invivable et l'intérêt de l'opération sera nul voire négatif. Donc, en fait, ce service national universel, en fait, est une tentative de pure communication de continuer à faire croire qu'il y a une nation française, disons. Mais en réalité, je pense que même c'est qu'il existe encore un État français. Pour moi, il existe encore des Français de souche, hein, ça c'est indéniable, mais je ne crois pas qu'il existe à ce jour d'État-nation français, ça j'y crois pas du tout. Je pense que ça n'existe plus, ça n'a plus de réalité, pour une raison raciale évidente, dans la mesure où toutes les races de la Terre sont présentes en France, et que vous avez des millions et des millions d'individus qui sont de races différentes, vous ne pouvez plus parler de nation sur le même territoire. Ça me paraît clair. Or, ce SNU, en fait, est une espèce... Ça n'est même pas pris au sérieux par Emmanuel Macron, président de la République, ni même ses conseillers. Parce que ça a tout d'une farce, c'est un simulacre. C'est vraiment un simulacre. Et vraiment, on voit qu'il n'y a pas la détermination derrière. Donc il n'y a même pas la volonté, par exemple, de recréer un service national. Alors, je sais que ça n'aurait pas grand sens en 2019 de faire un service national, puisque le modèle d'armée qui prévaut n'est pas une armée de conscrits. Mais cette tentative, en fait, pour moi, elle signe l'échec. Elle signe l'échec, en fait, du message qu'elle est censée porter. C'est consubstantiel à la tentative. À partir du moment où on va essayer de mélanger des gens qui ne peuvent pas se mélanger, ça va signer en lettres d'or l'échec du projet multiracial. En revanche, et je veux le souligner aussi, on y voit la marque du cynisme juif qui cherche à forcer le mélange racial au détriment des Blancs. Moi, j'y vois la main de l'Hébreu. L'Hébreu veut abâtardir la race blanche en Europe, c'est un secret de Polichinelle. Cette initiative est menée par Attal, qui est là le suppôt de la synagogue dans cette opération, et l'objectif très réel et très tangible, pour moi, c'est de faire souiller des blanches par un maximum de nègres et de sémites mahométans lors de ces stages camping, parce que c'est, il faut les appeler par leur nom. L'idée en camping fait n'est pas jambé. De n'est pas de lever, n'est pas de c'est de tirer par le haut, ce n'est pas d'élever, c'est d'abaisser, d'avilir, de souiller comme toujours lorsque le juif est derrière. Donc ça me paraît contradictoire dans les termes, voué à l'échec, en plus des aspects cocasses et exotiques qu'on peut relever ici ou là, notamment sur les photographies, quoi. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Et ça ne peut à aucun moment être une initiative qui forge une jeunesse, ça va sans dire. Ça va sans dire. D'ailleurs, vous avez remarqué le caractère mixte de l'opération, ça m'a frappé tout de suite. Ça. Même s'ils mettent, évidemment... Oui, mais les dortoirs ne sont pas mixtes. Oui, oui, bien ils sûr, anticipent ouais. déjà le truc. Ouais, ils vont faire le mur, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une porte entre les deux. Oui, voilà. Et personne pour surveiller. Non, voilà, il n'y a plus de service militaire. On ne reviendra pas sur ce service militaire parce que ça n'a pas de raison d'être. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça nous amènerait trop loin, mais enfin bon, voilà, c'est. Il y a aussi un paradoxe qu'on peut relever. Un petit paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'il faut renforcer la cohésion nationale et le but de ce projet, c'est ça. Mais alors, si tout va bien, tout le monde est français et que tout le monde se sent bien, pourquoi renforcer ce qui est déjà parfait? Bien sûr. Et de même, je fais le lien avec des réformes de l'éducation nationale, par exemple, mais il y en a tellement d'autres exemples, de Belkacem qui disait « Oui, il faut absolument faire une réforme. Oui, mais alors, si tout va bien, parce qu'il nous explique qu'il n'y a pas de problème de lecture, pas de problème de connaissances, pas de problème de compétences chez les jeunes. » Alors, si tout va bien, pourquoi vouloir changer? Bon. Bah oui, c'est ce que je disais d'ailleurs en substance. Il ne peut pas y avoir de nation sans homogénéité raciale. C'est ce dont le SNU est le symptôme. C'est-à-dire qu'on essaye de créer avec du brick et du broc racial. Enfin, le juif essaye de créer avec du brick et du broc racial un bétail malléable qu'il va présenter comme la jeunesse d'une nation, ce qui est une imposture juive de bout en bout. Non, c'est une immonde farce qui vise, comme je l'ai dit, je le répète, mais vaut mieux le dire deux fois plutôt qu'une, surtout quand il s'agit d'accuser le juif, que l'objectif est vraiment de souiller les jeunes blanches. Attal, nous t'avons vu. On les retrouve, il n'y a rien à faire, on les retrouve toujours, hein. À propos de la parenthèse que j'ai faite tout à l'heure sur l'esclavage aux États-Unis, je rappelle que le commerce des esclaves du continent européen vers le continent américain était majoritairement et très majoritairement tenu par les juifs. Vous pensez bien que ces juifs, ces armateurs juifs, ont amené des accords sur l'esclavage avec des commerçants juifs qui étaient eux aussi des grands spécialistes de l'esclavage aux États-Unis, des grands commerçants de l'esclavage aux États-Unis. Donc on retrouve toujours les mêmes. Tout à fait. Qui d'autre sur cette initiative? Enfin, ceci étant dit, il y a au moins un point positif, c'est que ça n'a pas de caractère militaire, donc on peut être rassuré, Kader et Fofana ne mettront pas la main sur des FAMAS. C'est quand même bon à prendre, je m'en félicite oui, plutôt. Sauf que Kader et Fofana sont aussi à l'armée. Oui, mais je veux dire, à grande échelle, c'est quand même plutôt mieux, quand même, je veux dire. C'est moins pire. Par exemple, aujourd'hui, parce que des gens peuvent dire « Oui, mais il faudrait rétablir le service militaire. » Vous êtes sûr de ce que vous voulez? Parce qu'il y a une démographie derrière. Moi, je ne suis pas sûr, quand on voit la composition de la jeunesse en France aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir envie de voir 30% de nègres et d'arabes être formés à l'usage des explosifs, au maniement des grenades à main, des fusils d'assaut, etc. Bah, c'est des trucs, ouais, non, ça ne m'intéresse pas tellement, vous voyez. J'ai pas tellement envie de voir ça. Donc je ne le verrai pas, puisqu'il n'y a pas de service militaire. Mais enfin, À grande échelle, ils ne le sont pas, mais ils s'entraînent déjà à ça. Il y avait déjà eu... des cas à Marseille de tir, ben, il y avait une députée Bougnoul d'ailleurs qui en avait parlé, hein, qui demandait l'intervention de la Légion à Marseille. Parce que les gamins là-bas s'entraînaient en plein jour, hein, avec les calaches. Alors il y avait des tirs, après ils ne s'entraînaient pas forcément à tirer, il y avait aussi des grenades qui avaient été utilisées. des grenades factices ou des vraies grenades, en fait, je sais plus. Donc la menace militaire maghrébine, elle est déjà là. Elle est peut-être diffuse. Après, je sais que moi, j'avais déjà parlé avec quelqu'un qui est dans le gouvernement et m'avait dit que ces mecs-là avaient déjà, de toute façon tout le monde le sait, quoi, que ces mecs-là avaient des mortiers, qu'ils avaient des RPG, qu'ils avaient du matériel lourd, que c'était planqué dans les cités, et que malheureusement, ben, des théâtres d'opérations comme la Syrie, ça a permis à ces gens-là d'aller utiliser les choses sur le terrain, d'avoir des retours d'expérience et puis d'en faire profiter leurs cousins et leurs petits frères ici et dans les cités, quoi. En fait, la seule chance qu'on a, c'est que finalement, il y a très peu de vrais moudjahidines en France, quoi. On a quand même beaucoup de branleurs, on a beaucoup de grandes gueules, on a beaucoup de gens qui sont bien contents d'avoir les minima sociaux avec à côté l'argent des trafics. Parce que si c'était vraiment des grands guerriers de l'islam, ça fait bien longtemps que la guerre aurait commencé pour de vrai. Oui, pour l'instant, ils en sont toujours avec des feux d'artifice sur des commissariats. Ça reste relativement peu létal pour le moment. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la chance de ne pas avoir des guerriers pachtos, on a tout simplement des bougnoules du Maghreb, quoi. C'est ça, on a des Algériens. Mais c'est ça l'Algérien, parce que l'Algérien, lui, c'est le couteau, hein, son truc. C'est ça. De toute façon, avec l'Algérien, c'est toujours sale. Toujours sale. Alors, les amis, on va rester sur le thème du sale. Pride, Gay Pride 2019, je crois que j'ai jamais vu une Gay Pride aussi massivement promue par les médias avec un foisonnement d'initiatives toutes plus dégénérées les unes que les autres. J'en ai eu pour mon argent, d'autant plus que je n'ai pas dépensé un centime. C'est dire si vraiment je suis satisfait de tout ça. Alors, qui sur les réseaux sociaux, qui sur YouTube, voilà, j'en ai vu beaucoup. Alors, c'est aussi la première fois, je crois, qu'on se tape un mois complet d'homocidaïsme. D'habitude, vous savez, c'était une journée de lutte contre l'homophobie, genre l'ONU, je sais pas quoi. En général, il y a deux. Il y a la journée de l'ONU, journée internationale, puis ensuite, il y a la journée nationale, ils aiment bien faire comme ça. Ensuite, il y avait le truc contre le sida. Mais alors là, ils ont passé à la vitesse supérieure. Maintenant, c'est le mois complet pour le sexe anal entre hommes, en fait. Hein, voilà. Et alors, vous avez forcément vu ça. À Paris, c'était 500 000 officiellement. Je ne sais pas si c'était vraiment 500 000. Peut-être pas, j'en sais rien. Qui veut m'en dire quelque chose sur cette... Parce qu'on a parlé un petit peu là, ces dernières semaines. Vous vous rappelez, il y avait le GV aux couleurs du sida. Ouais, il y avait la vidéo qui avait été faite par quoi, la vidéo qui avait été faite par le gars de Médias pour tous là, à Toulouse. C'était infernal déjà, mais bon, ça restait. Oui, c'est déjà le pandémonium en modèle réduit, quoi. Ouais, là, ça restait Paris, assez confiné. C'était Paris, c'était... Ah ouais, là. À Paris, là. Il y a un truc qui m'a fasciné. Les avenues remplies, quoi. Remplies de Ah ouais, folles, de fiottes. De fiottes. Ah pouf. Oh là là, putain. Oh la vache. Et alors, j'ai été enthousiasmé. Quand je peux cracher sur le Parti communiste, je le fais, parce que c'est un besoin, et j'ai vu le char du Parti communiste participer donc à cette marche du sida. Ah, ça m'a fait plaisir. Rétrospectivement, j'ai pensé à Staline et à Thorez. Oh, quel plaisir de voir ce char de fiottes où il y a des PD qui se déhanchent. Extraordinaire. Ah, quel bonheur de voir Berlin venger de cette façon, c'est un vrai moment de plaisir. Bah, c'est déjà un vrai bonheur de voir le Parti communiste représenté par le petit fils d'espion israélien, Yann Brossa, qui est aussi une folle. Plusieurs casquettes, oui. Encore une fois. Oui, il y a beaucoup ça sur Paris. C'est très multicasquette. En fait, c'est fini l'époque des années 90-2000. Tu pouvais faire carrière dans le système politico-médiatique républicain en étant soit homosexuel, soit juif, soit franc-maçon. Non, aujourd'hui, si vous voulez vraiment pouvoir percer... Ah, il faut combiner. Il faut être au minimum homosexuel, franc-maçon et juif, je veux dire, pour percer vraiment à haut niveau. Sinon, vous n'y arriverez pas, quoi. Sinon, vous êtes suspect. Peut-être que vous êtes un réactionnaire. Yann Bonsard, on sait qu'il n'est pas réactionnaire. Prenons Renaud Camus. Renaud Camus, qui est quand même relativement épargné par les médias, vous l'aurez observé. Hein. Oui. Je veux dire, il est critiqué, mais il n'est pas assassiné par les médias. Hein. Il est pas du tout... Bon. Sa qualité d'homosexuel le protège en partie, c'est indéniable. C'est indéniable. Et sa proximité avec les juifs aussi, bien sûr. Oui, proximité avec Finkielkraut, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Et le fait qu'il dise du bien des juifs dès qu'il le peut. En permanence pour exorciser le fait d'avoir compté les juifs France Culture il y a une quinzaine d'années. Hein. Oui, de compter les juifs, oui, c'est vrai. Compter les Hébreux. Pourquoi comptait-il les juifs? Peut-être parce qu'il n'y a que eux, c'est radio publique. Mais d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Moi, j'ai envie de dire un truc, ne comptez pas les juifs sur la radio publique, il n'y a que des juifs sur les radios publiques. Le principe d'une radio publique, c'est d'être une radio juive. C'est ça, tout à fait. Alors quand même, il y a eu des petits épisodes qui m'ont rempli de bonheur. Je vous lis un article là du Huffington Post, on peut même mettre un extrait audio. Alors, à la Gay Pride 2019 de Paris, des manifestants bloquent le char d'Air France en soutien aux migrants. Oui. Alors je lis l'article. Hein. Pour elle, Air France n'avait rien à faire là. Une centaine de manifestants, en majorité des femmes du collectif Gwyn contre les déportations, a bloqué hier le char d'Air France pendant quelques minutes à la marche des fiertés ce samedi 29 juin à Paris. Au cri de l'État raciste Air France complice, elle menait cette action pour dénoncer la politique migratoire de la France et ce qu'elles estiment être une complicité d'Air France dans les expulsions de migrants dans leur pays d'origine, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus. Ah bah je vous propose d'écouter un extrait vidéo avant de poursuivre l'article, d'accord? Allez, on va faire ça. Alors, oui, je poursuis, donc nos amis auditeurs ont entendu cet extrait, mais je continue l'article. Alors, chaque jour, l'État français déporte de force celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers ou le bon visa, dénonçait-elle dans un communiqué. Selon elle, Air France vient se refaire une image progressiste en s'enveloppant d'un drapeau arc-en-ciel, alors que l'entreprise participe activement à la déportation de migrants TES vers la mort. Elle prévoyait de monter sur le char de Person Health, l'association LGBTI d'Air France. Ils ont même une association de fiottes et de travelots, ces gens, pour délivrer leur message, mais elles ne sont pas parvenues à leur fin. Alors, lutte intra-fiottes, en fait. Vous avez des gouines qui ont ignoblement attaqué des PD montés sur un char d'Air France parce que bah, il faut sauver quand même les gens marrons de l'État islamique qui c'est bien connu, ont beaucoup d'appétit pour les PD. Ils leur apprennent à voler, hein, déjà. C'est ça. Bah oui, mais c'est, du coup... Ça fait lien avec Air France. Ah, ça fait lien voilà. Avec Air France. Ah, c'est pas mal. Ouais, Delta Plane, sans Delta Plane. Non, mais bon, alors, moi j'apprends, bon, là, déjà, c'est, là, c'est... j'apprends déjà que Air France, tu veux, met du pognon là-dedans pour faire. Ouais, c'est une espèce de bus à impérial. C'est, quoi, carrément, hein, c'est carrément un camion, là. Hein. Ouais, un camion, tu veux, avec une scène en haut où tu as des fiottes qui s'agitent. Ouais. C'est ça, tout à fait, France. Ouais. Donc c'est quand vous prenez un billet d'avion Air France, une partie de votre fric va là-dedans. Hein, moi ça me dérange. Oui, ce qui fait mal au cul d'ailleurs, ça fait ton sur ton. Oui. On se fait enculer sans le savoir. Après, bon, la scène en elle-même, si tu veux... Elle est magnifique, là, les gouines enragés qui veulent à tout prix... Ouais, j'ai vu que le compte Twitter s'appelle Gwyn Contre. Tu sais, c'est le truc, c'est les Gwyn en furie contre Gwyn Contre. Contre tout. Si tu n'es pas. Si tu n'es pas une Gwyn, ça leur va pas, quoi. Même les fiottes classiques. Oui, c'est ça, oui. C'est pas des Gwyn contre. Ouais. Oui, oui. Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ce sont des Gwyn qui sont absolument contre tout ce qui n'est pas comme elles, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Sauf les migrants, enfin les gens marrons. Oui, là, oui bah, oui, elles sont quand même sont des croyantes. Hein. Oui. Bah alors, en fait, c'est quoi leur délire? C'est d'essayer de diversifier leur menu sexuel, en fait. Elles veulent des gouinas marrons, parce que, pas si elles sont au courant, hein, ça se passe pas comme ça, là-bas. Bah, ouais, là, pour moi, ça reste quand même un très grand mystère. Les mystères de l'autisme, oui. Oui, ça devient très mystérieux, là, parce que ce sont des gouines, est-ce qu'elles veulent... Peut-être qu'en fait, elles veulent que les mâles hirsutes et malodorants du monde islamique, en fait, les ramènent vers l'hétérosexualité, hein. C'est peut-être un aveu, finalement, d'ennui profond de la gouinitude. Oui, c'est pour ça qu'elles s'en prennent à ces sales fiottes blanches d'Air France. J'ai bien l'impression, ouais. C'est une piste. Enfin bon, là, il y a... Blanc. Homme blanc, vous n'êtes pas au niveau, nous voulons nous faire taper dessus. C'est ça. Mais alors, vous avez vu les images, hein. Alors, c'est dommage, évidemment, c'est à l'oral, mais alors, une concentration de dégénérés comme ça, c'est... Waouh, c'est impressionnant. Il y a eu un reportage qui a été fait là, par deux types qui étaient passés sur le site, hein. Bon, notamment... Une espèce de... Un noir absolu, assez marrant. Là. Ah oui, ah oui, un gentleman. Un gentilhomme noir, effectivement. Tout à fait. Qui va troller les types en leur disant... À un moment, il dit, je suis une chinoise de 14 ans, machin et tout. Puis il y avait la fiotte qui était déguisée en femme, qui était en train de bugger, etc. Parce que... Avec cette histoire de représentation de genre et d'identité de genre... Ça devient très compliqué. Oui, c'est vrai, j'ai vu sa vidéo. Comment s'appelle j'ai oublié le nom de cette chaîne, d'ailleurs. C'est dommage. J'ai pas le nom en tête. Je crois que c'est Nous voulons vivre, il me semble. Oui, Nous voulons vivre, voilà. Bon, bah, regardez cette chaîne. Vous avez un gentilhomme noir qui fait des micro-trottoirs. Dans un environnement hostile. C'est-à-dire que nous, on pourrait... Voilà, ah, très hostile. Moi j'arriverai là-dedans déjà. Ah bah non, mais moi je rentre là-dedans avec ma croix gammée sur le bras. Non, non, mais oui, tranquille. Oui, oui, ah bah oui, non, mais bah, de toute façon, au stade où on en est. Mais bon, même quelqu'un de chez nous qui, bon, avec toutes les meilleures intentions, En tant que blanc, avec une hétérosexuel, tête hétérosexuel, ouais, normal. Ça se verrait sur sa gueule que bon, le type n'est pas, ça va pas. Mais bon, lui, vu qu'il fait partie, ben, vu qu'il quelque part il est d'essence divine puisque c'est un nègre, il peut les approcher, leur poser des questions dérangeantes, quoi. Hein. Dérangeantes, hein, par rapport aux gamins, etc. Donc, ouais, allez voir. J'ai bien aimé, c'est... Bon, et en plus de ça, vous vous rendez compte sur les images que c'est rempli, quoi. C'est ah oui, Paris, oui. Paris, oui, il faut... Bon, Paris. Alors libéré, moi, quand j'ai vu ces images, en fait, j'ai tout de suite pensé à deux choses, à Bachar al-Assad et à du neurotoxique, mais je sais pas pourquoi. Oui, moi, c'est plutôt le cousin de Saddam Hussein qu'on appelait Ali le chimique. C'est une personne tout à fait distinguée. Oui, bah, beaucoup de choses ont été... Oui, parce que, bon, nous, on aime bien dire du mal des Arabes, mais chez eux, dans leur... Ils se hissent un petit peu au-dessus du lot, et il faut reconnaître quand même à certains dirigeants arabes, à poigne, certaines qualités, et aussi certains stocks d'armes biologiques et bactériologiques... Il faut quand même savoir faire preuve d'un peu de nuance, disons, et voilà, et quand je vois une foule comme ça, oui, je trouve que ce qui est arrivé à Saddam Hussein n'est pas juste. Surtout que les Arabes ont des méthodes de rééducation assez intéressantes, donc concernant les homosexuels mâles, ils leur apprennent à planer, et concernant les homosexuels femelles, ils font une technique de rééducation par le viol, et c'est peut-être d'ailleurs ce que réclame Séguinas en manifestant. J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Technique qui en plus permet de calmer la population. Non, il faut quand même voir dans cette foule le potentiel d'hystérie délirante. C'est quand même incroyable, je veux dire. Bah, les espèces de types à perruques maquillées, maquillées avec à la truelle, quoi, hein, au Mao. C'est-à-dire que c'est du mastic pour mur, quoi. Le truc, hein, c'est du... Ouais. Bon, avec des talons hauts, des perruques. Oui. Moi, j'ai vu... Non, mais en plus, il y a vraiment un matraquage... Bon, là encore, c'est pas une découverte, mais sur le compte officiel Twitter de l'agence France Presse, qui est quand même l'agence internationale d'information du gouvernement français, quoi, il y avait aujourd'hui... un reportage aux États-Unis où vraiment de promotion où il y avait des travelots dans une école et à un moment donné les travelots prennent des nourrissons dans leurs bras. Je veux dire, on en est maintenant, si vous voulez, avec des travelots et des bébés. Ça y est, bah, c'est bon, la pédophilie, c'est... Et je dis bien, c'est pas un compte d'une association contre l'homophobie ou je sais pas quoi. C'est l'AFP. Bon, bah c'est normal. La PMA et la GPA, c'est-à-dire que le fait que les fiottes puissent adopter ou que les gouines puissent se faire engrosser de manière artificielle en France, c'est dans les tuyaux. Donc... il faut préparer l'opinion avec des travelots qui sont là. Ils ont des nourrissons dans les bras, voilà. Oui. Ils sont dans les bras parce que c'est normal. Tu vois, je suis fier de ce que je suis. Tu vois, c'est ça la fierté de ces tarés. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est vraiment une politique d'État et ça n'a rien d'organique. Hein, c'est vraiment par le haut, quoi. Ouais. C'est apocalyptique, purement là. Alors, il y avait une opposition interne, là, Agnès Thiel, vous avez vu, c'est une députée LERM, et elle avait dit qu'elle n'était pas sûre, elle avait défendu l'idée qu'une famille était composée d'un père et d'une mère. Alors, visiblement, ça a profondément choqué. Ah bah ouais, ça a profondément choqué. Ça a provoqué un choc à l'intérieur du groupe parlementaire La République En Marche. Elle a été exclue sur exigence des députés pratiquant aussi le sexe anal entre hommes. Ou quelques goudous aussi, j'ai remarqué la présence. Il y avait une gouine. Il y avait une gouine, voilà. Donc, elle s'est fait jarter. Ah non, non, non, non, non, une famille, non, c'est pas un père et une mère, non, non. Nazisme caractérisé. Donc, viré. Ouais. Donc, quand je parle de politique d'État, c'est ça passe aussi par la purge. Hein. Je veux dire, on purge. Même les macronistes se font purger si ils dévient un tout petit peu de la ligne homocidaïque arrêtée par Macron. Hein. Alors, ça s'est passé dans le parti unique. Enfin, le parti. Oui. Pas encore unique, mais bon, presque, parce que c'est. Pas loin d'eux. Hein. C'est la réunion de l'ex-UMP et du PS, en gros. Hein, c'est, voilà, c'est ça. Ouais. Les deux étaient un petit peu aux abois, donc ils se sont réunis. Mais ça n'a pas créé d'émoi particulier dans la classe politique. Non. Est-ce que tu as vu des réactions. Dans les médias, les médias, on est en train de montrer des drag queens avec des nourrissons, donc si tu veux, il n'y a pas beaucoup de réactions dans les médias. À la droite des valeurs des républicains, tu vois. Ils ont été dans un silence de cathédrale. Gérard Larcher est beaucoup plus intéressé sur sa diète que de. Oui, Gérard Larcher, oui, enfin, il est intéressé par ce qu'il y a dans son assiette, effectivement. C'est ça, oui. C'est sûr que avec des types de droite dure comme Geoffroy Didier, qui est lui aussi un pratiquant de. Oui. On dirait qu'il est en plastique, lui. Ben oui, en plastique. On dirait un Ken en plastique. C'est un maquillage permanent pour la Gay Pride, si tu veux. C'est particulier. Oh là là. Il a un nez aussi assez fourchu. C'est bizarre. Et donc, c'est pas avec ces gens-là que tu vas avoir quelconque réaction. J'en reviens au nègre du pratiquant de Tablig. Hein. Oui. Bon, voilà. Hein, les Français ont l'air d'accepter Boko tout Haram. Ça. Ouais, les Français, je pense que les Français. Enfin, bon, il va y avoir les trois connards là, qui vont aller faire des manifs. Un papa, une maman, bon, comme ils ont fait pour le mariage. PM. Ouais, la manif pour tous, le truc qui s'arrive. Les bourgeois, avec leur drapeau, chansons à la con. Ça ne va rien faire. Et puis ils vont fermer leur gueule et ça passera comme une lettre à la poste. Et comment ouais. Non, c'est ce pays quand même en train de pourrir. Hein. Bientôt il retirera en enfer, peut-être, je ne sais pas, mais là ça pourrit bien, quoi. Ça pue. Hein. Ouais. Qui doute là-dessus ? Moi je pense qu'on n'arrive pas encore à comprendre leur génie. D'ailleurs, comme a dit Poutine au sommet du G20 au Japon, il a dit « Il y a toutes sortes de choses maintenant, on a inventé 5 ou 6 genres, je ne comprends même pas ce que c'est. » Mais on est trop bête pour comprendre. En fait. Ouais, mais lui il est nazi déjà, ça commence par ça. Ouais. Il comprend pas les genres, donc déjà il est excommunié. Mais enfin, ça va, lui, de toute façon, il est déjà excommunié par les juifs depuis maintenant, depuis qu'il est au pouvoir, en fait. Ça fait 20 ans qu'il est excommunié. Il a dit des choses intéressantes, Vladimir Poutine, lors du sommet du G20. Il a aussi dit le libéralisme au sens sociétal, hein, au sens de l'individualisme, la dérégulation en fait de l'ordre social sur les valeurs touché à sa fin parce qu'en fait ça a amené à l'anarchie. Il a parlé notamment d'immigration. Hein. Il a dit les migrants arrivent en Occident et vous les laissez violer, tuer, etc. Alors je pense qu'ici on a cité suffisamment d'affaires de viol qui ont été laissées impunies. Pour que voilà donc, notamment rappelez-vous ce viol dans la Manche où vous avez dit oui mais comme sa culture est différente c'est pas vraiment un viol etc, les magistrats vont les laisser libres, c'est un mec venait du Sri Lanka je crois ou du Bangladesh, j'ai oublié. Bangladesh. Non, voilà, bon. C'est pas un excès de langage, je veux dire, de la part de Poutine, quoi. Ça c'est factuel, quoi. Ça arrive, quoi. Il y a aussi les viols du Nouvel An, je crois que c'était à Cologne, c'est ça. Oui, qui était d'ailleurs principalement le fait d'Algériens, d'ailleurs. On le sait assez peu. Oui. Le fait d'anciens Français, tu veux dire. Hein. Qui ont vocation à le redevenir, hein, d'ailleurs. Oui, disons, c'est l'armée de libération qui a libéré la France en 1945, grâce au maréchal Juin, mais qui est resté là-bas. Voilà. Ah, ils ont libéré les Allemands de tout, hein, y compris de leurs sous-vêtements. Hein, ah oui, de tout. Comment dire mais il a tenu d'excellents propos, Vladimir Poutine, et il a promu donc une verticalité et un caractère autoritaire, patriarcal, qui m'a fait plaisir pour ma part. Bon, mais nous, en fait, parce que nous, on dit oui, mais ils aiment bien présenter ça comme ça, ils aiment bien dire que c'est un système où on oppresse les gens, sauf qu'en France, si tu veux, on en est au stade où même une députée macroniste qui dit que la famille, ça peut être un homme et une femme, se fait virer aussi brutalement que lors d'une purge à l'intérieur du Parti communiste de l'Union soviétique en 1930, quoi. C'est ça la France, c'est-à-dire que même une phrase de travers, c'est fini, c'est terminé. Ben, oui, enfin, la France, bon, je crois pas qu'on en ait parlé, alors, je me souviens plus la semaine dernière, mais le régime se radicalise. Hein. Le régime se radicalise. Ah oui, tout à fait, oui. Et qu'en pense Florian Philippot, ouais, qui retourne dans son ministère d'origine au ministère de l'Intérieur, par fait 0,65%. Ça, c'est la magie de la fonction publique. Tu peux te voter aux élections, tu vois, et hop, tu repars dans la fonction publique et tout va bien, tu vois. Au passage, il a abandonné ou mis entre parenthèses le grand combat, un des grands combats politiques au sein des patriotes, c'est la lutte contre l'homophobie, hein, c'est ce qu'il avait dit. Ah, oui. C'était un des grands combats de... Il l'avait dit, on avait parlé aussi. Hein. C'est un combat d'actualité parce que l'homophobie est très forte en France. Pas plus tard que ce week-end, encore 500 000 homophobes ont défilé, exigeant de pouvoir lyncher en place publique les fiottes. Très courageux de sa part. Je salue l'audace de Florian Philippot qui, hélas, est déjà en retraite politique. Hein. Oui, mais juste... qui continue à œuvrer pour la France. Hein, ah, c'est vrai, à sa manière et à un autre niveau, je te l'accorde. Alors... Peut-être une dernière anecdote pour parfaire un petit peu le tableau de ce week-end orienté donc anus. L'armée de terre recrute. Ah. C'est un compte officiel de l'armée, à la fois présent sur Twitter et sur Facebook, qui a tenu aussi à faire savoir qu'il s'engageait pour une France ouverte, tolérante, tournée vers le 21e siècle. C'est-à-dire, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vers des gens avec un zizi et des testicules qui puissent s'habiller en femme, se faire greffer des seins en plastique pour toucher des nourrissons, d'accord ? Et à participer à cette Pride à sa façon. Voici ce qui a été écrit sur Facebook. Armée de terre recrute, Pride, hashtag Pride, hashtag LGBT, hashtag le saviez-vous. Être transgenre n'est pas incompatible avec le métier de soldat tant que votre sexe correspond à votre état civil. L'armée de terre condamne toutes les formes de discrimination. Plus d'infos sur... Et là, il donne un lien pour les séropositifs intéressés par le service de la nation française. Il y a un très beau drapeau LGBT pour agrémenter le tout. Alors, il y a eu quelques réactions. Hein, pas beaucoup, mais il y a eu des gens qui ont observé ça. Alors, le poste a disparu en 24 heures. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant, hein. Il y a des nazis qui ont crisé. Je ne sais pas, mais bon, je. Qui veut me parler de ce... Bon, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est que de toute façon, le lobby, il est déjà présent dans les services communication, donc politique. En interne, je pense qu'il y a quelques généraux qui, bon, aussi. Soumis soit-il, bon, là, l'histoire quand même des... C'est allé un peu trop vite. Oui, les travelots, si tu veux. Bon, les PD, si tu veux, qui font un joujou avec leur anus, ça va. Mais les travelots, si tu veux, Charles Bronson, bon, là, il y a quand même des... Même les plus mous du genou, si tu veux, ils ont toussé, quoi. Ouais. Les travelots, ça devient difficile, effectivement. Charles Bronson... Ils tous, hein. Ils tous pour l'instant, parce que bon, ces gens-là qui ont donné leur avis, qui ont fait en sorte que la publication soit supprimée, gageons qu'ils ont été dûment listés. Exactement, et que bon, qu'on saura. On va avoir une nouvelle affaire des fiches, mais cette fois-ci, ça sera en bien fonction sûr, de leur adhésion, leur adhésion à la présence de travelots dans les rangs de l'armée française. C'est inévitable, hein. C'est inévitable. C'est inévitable, hein, inévitable. Inévitable. Enfin, il y a un projet en cours quand même. Hein, Oui, bah il y a surtout un président en cours. Hein. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est simple. Attendez, enfin, franchement, on va pas non plus faire semblant d'eux. Bon, déjà, le cointre. Bon. Mais comment dire, le chef des armées en France est le président de la République. Je crois que lors de la dernière fête de la musique en 2018, il a quand même été assez honnête quant au programme. Je veux dire, on ne peut pas dire non plus que c'est quelqu'un qui prend tout le monde par surprise. Il a quand même, voilà, il a exposé le truc. Il nous a mis des travestis subsahariens à gigoter sur le perron de l'Elysée avec je pense que c'était comme dit de l'électro, je sais pas trop ce que c'était, avec un éphèbe noir qui avait sur son t-shirt inscrit immigré noir et pédé. Non, fils d'immigré noir et pédé. Ah, fils d'immigré noir et pédé. Bon, voilà, c'était le projet. Bon, bah, il est chef des armées. Ça va s'appliquer aux armées françaises. C'était tout l'objet de cette annonce de recrutement lors de ce week-end de la Gay Pride. Alors, il y a des gens qui ont toussé. Je vais quand même féliciter leur esprit de résistance à la dégénérescence complète de l'institution dont ils ont la charge. Ceci étant dit, je crois que le fait qu'il y ait une résistance ne sera pas resté inaperçu. Surtout à l'Assemblée nationale qui compte énormément de fiottes. Je pense que M. Attal, en charge du SNU, oui, par exemple, il n'a pas dû apprécier que l'armée fasse marche arrière. Hein, même si, bon, dans certains cas, il aime bien que les gens fassent marche arrière. Hein, mais là, non. Il y a un lobby nazi au sein de l'armée française qui refuse cette histoire de... Ouais. Comme disait Charlie Hebdo, c'est cette vieille France rance qui porte des pulls gris, qui boulochent et qui cuisine tout au beurre et qui sent le tabac froid. Ah bah il devait sentir le tabac froid puisqu'il fumait aussi lui. Ah ouais, mais avec plus de place. Il préférait les pipes peut-être. Quelqu'un, alors tiens, Captain, j'ai quand même envie de te... Les travelots dans l'armée, tu me diras, bon, on a des nègres, on a des djihadistes, on a à peu près tout. Et puis, comme on dit, la folle du régiment, pourquoi pas, après tout. Bah, disons que ça va être juste, maintenant, un visage découvert, hein, parce que des fiottes dans l'armée, il y en a quelques-uns, hein, déjà. Hein. Bien sûr. Quelques-unes, veuillez m'excuser. Qu'est-ce que je vous dis? Bah, rendez compte. Franchement. Oui, oui, moi, je dois, en tant que mâle hétéro-blanc, je dois me plier aux desiderata de nos seigneurs et maîtres qui dirigent nos anus hein, par le... Non, mais techniquement, imaginez ça. Bon, je sais pas, toi, vas-y, je te mets dans le contexte, mon cher capitaine. Imagine, bon, t'as un mec, il a passé l'école d'officier, et puis il change de sexe. On peut pas changer de sexe, mais à l'état civil, quoi. Et puis il se déguise en femme. Alors, il arrive, il exige d'avoir un uniforme de femme, ok? Donc vous imaginez le mec, alors juste pour les besoins de la démonstration, le mec fait 1m90, tu vois, genre grand, tu vois, mais un peu mou, tu vois, et il met les cheveux un peu longs, et puis il a du maquillage et tout, puis alors, donc c'est une femme lieutenant, mais c'est un homme, et c'est lui qui donne les ordres. Ça donnerait quoi, ça? Pour la cohésion de l'unité, je veux dire. Je pense qu'il y aurait, en théâtre d'opération, il y aurait des balles qui partiraient dans le dos du lieutenant assez vite, en fait. Non, ça, je dis rien. Et comment ça marcherait avec des musulmans pratiquants dans l'armée? Pas très très bien, ouais. Mais bon, en fait, il faut quand même savoir que quand l'armée dit qu'elle ne tolère pas les discriminations en son sein, c'est éminemment faux, parce que l'armée discrimine une catégorie de gens qui pourtant sont de qualité et qu'on appelle les nationalistes. Vas-y, ouais, ça m'étonne ce que tu dis. Oh, bah écoute, que vous soyez étonné, c'est vraiment très surprenant. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré pas mal de gens hein, qui m'ont avoué qu'ils ont eu des problèmes d'avancement ou qui ont failli ne pas être recrutés parce qu'ils étaient justement nationalistes. Bon, bah mes amis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonjour. Merci, j'ai bien rigolé.